est à peine 17h à Montréal en direct de la Brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai l'immense bonheur, l'immense honneur, l'immense privilège d'être entouré de Fred Savard. Bonsoir. Jean-Sébastien Girard. Bon, bonjour Philippe. Olivier Niquet. Salut. Ainsi que de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Dimanche, tout le monde! Oui! Est-ce que tout le monde est en forme? Oui! Ah, mon Dieu, ils répondent tous comme ça, c'est bien le fun. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi de votre soirée du samedi? Je demande à vous, parce que c'est vous qui avez le plus de choses à faire. Oui! Vous faites, vraiment, vous êtes très intéressant. Grosse soirée sur YouTube hier. Hein? Yeah, j'écoutais toutes sortes. Excuse-moi? Oui, grosse soirée sur YouTube. Okay. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Philippe, depuis un certain temps, il y a de plus en plus de maudites publicités avant qu'on puisse voir une clip. Ben oui. C'est bien fatigant. Et une publicité qui roule beaucoup sur YouTube présentement, c'est une publicité de Chantal Lacroix qui est devenue porte-parole d'un pain tranché. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu dans la foule? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu? Mais Jean-Sébastien, bon, un grand consommateur de YouTube. Oui. Et de pain tranché. Donc, Chantal Lacroix, la voix, elle est assise sur un banc. Elle dit « Allô, je veux t'aider à choisir ton pain, mais j'ai envie aussi de devenir ta simplificatrice de vie. On mène des vies de fous, etc. etc. » Ben, on mène des vies de fous, certains. Ben, c'est clair. Elle dit « Je veux t'aiguiller sur ton pain, elle nous tutoie, mais elle dit « Je veux aussi t'aiguiller sur plein de choses dans la vie. » Elle dit « Il y a un champ en bas, tu me poses n'importe quelle question, je vais répondre. » Mais ça, c'est en vidéo, là. C'est en vidéo. Donc, évidemment, elle a préenregistré plein de réponses pour correspondre à nos questions. Elle n'est pas là pour vrai. Elle n'est pas là pour vrai. Ah, OK. Évidemment, on trouve ça bien énergivore comme chose, parce que même si on trouve ça abrutissant comme concept, on passe toujours beaucoup de temps là-dessus. C'est un peu comme la voix sur le iPhone. Ah oui, on y pose plein de questions. On y pose plein de questions. On repousse les limites. On veut voir jusqu'où ils se sont rendus d'enregistrer les trucs. Alors, j'ai envie de jouer avec vous à Chantal Lacroix, parce que vous allez voir comment c'est drôle. Elle essaie de faire de l'humour et rapidement fait un lien entre la réponse et le pain qu'on devrait consommer. Alors voilà. Allez-y. Je pose trois questions. La première, on commence toujours comme ça avec une question inoffensive. Je rappelle que ce sont les vraies réponses. C'est pas un sketch de la soirée, est encore jeune. Alors, c'est vrai, pour vrai. Okay, alors, non, je commence avec. Bon, c'est la rentrée, on est fatigué, on est énervé. Comment gérer son anxiété? Eh bien, je te donne mon petit truc. Lorsque je suis pas certaine de quelque chose, je simplifie le problème en le déconstruisant étape par étape. Ah, c'est pas fou? Ben. Note que c'est exactement le conseil contraire que je te donnerais pour faire un club sandwich. Ah! Voyez-vous? Elle ramène ça au pain. Assez rapidement. Mais avant du pain aussi, c'est embêtant. Oui, un pain tranché. Deuxième question qui va comme suit. Une question qu'on me pose beaucoup dans la rue. Pourquoi Olivier Niquet parle si peu dans l'émission et dans la vie en général? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Par exemple, comment ça se fait qu'Isabelle Boulay, Sylvester Stallone et le Dalai Lama soient tous nés le 6 juillet? Ah. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le pain blé pourpre est excellent. Ben voyons donc! Ces graines nourrissantes t'offrent une expérience gustative copieuse qui saura te satisfaire. Bon, ça a l'air naturel. Oui, expérience gustative. Passer d'Isabelle Boulay à une tranche de pain en si peu de temps. Et évidemment, on ne se le cachera pas, avec ces jeux-là, on finit toujours par poser une question extrêmement vulgaire pour voir jusqu'où ça peut aller. Ouais. Alors, évidemment, je ne la dirai pas ici en ondes, mais imaginez la chose la plus vulgaire que vous pouvez demander à Chantal Lacroix. On a des idées quand même. Donc, hein? Je l'écris ici, Chantal Lacroix. Ah mon Dieu! Enter. Bon, heureusement que je suis un peu sourde d'oreille, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Au lieu d'écrire des niaiseries, t'irais pas te faire un bon sandwich? Ah! Des fraises et du fromage de chèvre. Mais mon Dieu, c'est interminable. On pourrait jouer encore, hein? Voulez-vous? Ben, je sais pas, on a quand même 2 heures à remplir, Jean-Sébastien. On pourrait faire... Mais vous avez fait ça de votre samedi soir? Oui! Mon Dieu, vous faites pitié. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Fred, vous avez fait quoi, vous, de votre samedi soir? Vous savez, je vous ai annoncé hier que je prenais une pause éthylique, donc j'ai une soirée à lire le Courrier international. Normalement, c'est tout ce qu'on devient. J'ai appris des choses. J'ai eu un beau tableau. Ils appellent ça une infographie sur les habitudes d'alcool en Europe. Arrêtez donc. Oui, alors on peut voir rapidement qui boit beaucoup et qui ne boit pas beaucoup. Et je vais vous lancer un petit quiz comme ça. Selon vous, quel est le pays où on boit le plus d'alcool en moyenne par année en Europe? En Europe. Mais la Russie, ça fait. France. Non, non, là. C'est la Lituanie. Ah ben j'aurais dit ça, c'est niaiseux. Je m'en allais dire ça. Ouais, moi aussi. Une moyenne de 15,4 litres par année. Qui boit le moins? Par année? En moyenne. Toute la population, mais oui, mais quand même. Il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des personnes âgées. Je veux dire, moi, j'ai une petite cousine. Quelle nation boit le moins? Et on les salue, je les salue parce qu'ils ne boivent pas beaucoup. Mais ça, vous allez être surpris. Ah ouais, les Norvégiens. Ben non. Ouais. L'Italie. Ah! Étonnamment, tout à fait. 6,7 litres. Ils n'ont plus les moyens. En moyenne. Ben non, c'est ils n'ont plus les moyens de boire. Ce sont les hommes italiens qui boivent le moins, en général, de tous les hommes européens. 9,7 litres. Et les femmes également. Et évidemment, les hommes, excusez-moi, qui boivent le moins, c'est l'île de Malte. Ah ben les Maltais ont toujours été... Ils ne boivent pas de boisson maltée, visiblement. Ah, est bonne. Ouais. fait que ça, c'est... Mais merci pour votre samedi soir. C'est passionnant, oui. Palpitant. Oui, je suis couché à 9h. D'accord. Olivier? Ben moi, j'ai bu et j'ai testé la nouvelle application pour téléphone intelligent de Saint-Hubert Barbecue. Ça s'appelle Poule Position. C'est un jeu de course de voiture et vous pouvez gagner du poulet, du vrai poulet. Là. Ça, c'est simple. Vous devez conduire le plus de kilomètres possible en évitant des obstacles pour arriver à une destination. Moi, j'ai fait 589 kilomètres à ma première course. Ce qui veut, il me reste en fait 8782 kilomètres avant de peut-être pouvoir gagner un rabais sur mon poulet. Mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Il y a des bruits de poulet, genre pat, pat, tout le temps. Puis si vous êtes bon, ouais. Vous pouvez ajouter des améliorations à votre voiture, genre des pneus en pain pour éponger les flaques de sauce brune qui traînent sur l'asphalte. C'est vraiment ingénieux. Hey, on a fait beaucoup de promotions, ben ouais. Je trouve, au début d'émission, honnêtement. Si vous, si vous avez plus de 8 ans d'âge mental, ça vous intéressera probablement pas. Alors, vous faites comme moi, vous pluguez vos enfants là-dessus, vous débarrassez de vos enfants et vous pouvez gagner un quart-cuisse. C'est merveilleux. Et la semaine prochaine, je vous parle du jeu de ping-pong avec des Timbits. Ah. Ça existe-tu pour vrai? Non. OK. Ah, boy. On a un gros menu à l'émission ce soir. On a Macha Limonchik, on commence l'heure avec elle. On a tellement hâte de la recevoir. On est très contents. On peut applaudir. Hein. Ça serait ouais, bon, des choses. Merci. La deuxième heure. La deuxième heure sera pimentée de Marc-André Lucier, qui viendra faire mon éducation cinématographique. Oui. Il va venir nous convaincre qu'un film plate, ça peut être bon. Et également, on terminera avec Anne-Marie Wittencha pour parler de ses 26 nouvelles émissions de cuisine. Ah, ça manquait. Ben oui, non, je sais. L'Internet, Olivier? Oui, vous pouvez vous rendre sur notre site radiotradeunioncanada.ca/la soirée où vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elm au 273. Ben, c'est plein ce soir. Ah, ça paraît oui, pas, mais c'est oui, plein. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a même... Faut que je le dise, il y a même un gentil monsieur qui s'est assis au fond, derrière un mur, et il va passer sa soirée derrière le mur à nous pas regarder, en fait. Ouais, et je trouve que la moindre des choses, ce serait quelqu'un ici, pour la deuxième heure, lui laisse sa place. C'est tout ce que j'ai à dire. Continuez, Olivier. Okay. Ben sur notre site, vous trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion et vous pourrez réécouter l'émission si l'audiophile fonctionne, ce qui n'arrive arrêtez pas souvent. Arrêtez de parler de l'audiophile. On est aussi sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et les gens peuvent nous joindre par courriel à lasoirée@radio-canada.ca. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, poser des questions pour nos invités. Et vous pourrez aussi répondre à notre question du jour en utilisant le mot-clic « la soirée ». La question va comme suit aujourd'hui. Écoutez bien la question, là, c'est très intéressant. Malgré le fait que les rumeurs d'expansion de la LNH à Las Vegas, Toronto, Seattle et Québec soient absolument non fondées, avez-vous une opinion sur l'expansion de la LNH à Las Vegas, Toronto, Seattle et Québec? Est-ce que les gens ont des opinions là-dessus? Oui, déjà, beaucoup de réponses. Ah oui, déjà. Hein? D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez de la circulation chez vous, vous écrivez à Frédéric Savard qui va vous donner la circulation dans quelques minutes. Vous écrivez pour vrai parce qu'on est une émission de service, puis hier, ça a bien fonctionné. Hein? Ah oui. Non, mais quand même. Non, non. Alors, s'il y a un embouteillage chez vous, vous nous écrivez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent de McMasterville, mais j'aimerais ça savoir s'il y a de la circulation là-bas. C'est niaiseux, hein? Ben, c'est à côté de la 116. Je sais pas. De 116, ouais. Ah, il y a des gens de McMaster. Ben oui, mais là, vous savez pas s'il y a de la circulation en ce moment. C'est vrai que ma mère habite à Belleuil, juste à côté. Non, je savais pas. Arrêtez donc. C'est pas super drôle. Comment elle va, votre mère? Elle va très bien. Ah, okay, nous écoute. Et la même chose pour la météo. Évidemment, Fred va nous faire la météo. Alors, s'il fait 23 chez vous en ce moment, n'hésitez pas à écrire à Fred Savard. Mais en attendant, allons rejoindre notre salle de nouvelles portatives. Alors, Fred Savard, le Bernard de Rome de sa génération. J'ai reçu des emails qui m'ont dit ça. Hein. Parlez plus fort. Niaiseux. Alors, on me dit que Bernard Drainville ne craint pas que le nombre élevé de candidats à la course à la chefferie nuise à la cohésion du Parti québécois. Ben oui, lui qui n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature, mon Dieu qu'on a hâte, n'est pas inquiet de la cohésion à l'intérieur de son parti. Il a rajouté qu'il n'est pas non plus inquiet des derniers sondages négatifs envers son parti. Il n'est pas inquiet de la guerre dans le monde et trouve que tout va très bien, que la vie est belle, chip chip les petits oiseaux, des arcs-en-ciel, des flamants roses, que c'est joli. Ah oui? Ses commentaires ont été recueillis par son psychiatre. Ah, on lui souhaite qu'il puisse trouver la bonne médication, parce que c'est souvent ça qui est le plus difficile. Hein, tout à fait. Honnêtement. Oui. Toujours dans le domaine du vraiment très intéressant, là, il y a la réunion du Conseil de la Fédération qui s'est terminée hier à Ottawa dans la joie et l'allégresse. Oui, cette réunion de 4 jours qui attire tous les premiers ministres des provinces et du fédéral. Oh, oui. c'est somme toute bien déroulé, même si le Québec a créé une grande commotion au début de la réunion mercredi, puisqu'on ne trouvait nulle part les membres de la délégation québécoise. Heureusement, ils ont été retrouvés à Plavante devant Ottawa. Ah, c'est pour ça qu'on ne les voyait pas. Quel soulagement. Oui. Alors, ben voyons, il y a des gens qui applaudissent. Des gens, on l'écoute. Ben oui. Qu'aurions nous fait sans eux, hein, ces délégations québécoises à Ottawa? Continuons avec la C-série de Bombardier. Qui connaît encore des problèmes? Oui, c'est que le transporteur suédois Brattons Aviation, qui devait être le premier client à recevoir les nouveaux appareils de Bombardier en 2015, préférerait que l'avion fasse ses preuves avant d'en faire son acquisition, parce qu'on sait que les essais ont été suspendus suite à l'explosion de moteur, et ça, c'est très fâcheux. Hein? Dans un avion, quand le moteur explose, là, il ne reste plus grand-chose. On pense que des transporteurs voudront se risquer à l'achat d'un avion rempli de problèmes. Ben, on nous affirme que la Malaysian Airlines trouve qu'il n'y a rien là et ne voit aucune raison de s'inquiéter. Ah ben ça, c'est rassurant. Oui. Continuons dans la catastrophe, alors que Stephen Harper serait en lice, et c'est pas une blague, là, pour le prochain prix Nobel de la paix. Oui, c'est l'organisme B'nai B'rith Canada qui compte suggérer la candidature du premier ministre au Nobel de la paix pour le remercier d'avoir aveuglément soutenu Israël lorsqu'elle se défendait contre l'invasion du Hamas. Et là, la paix... Oh, oui, on me chuchote que la paix elle-même voudrait se dissocier de cette nomination. On me confirme d'ailleurs que si M. Harper peut être en lice pour le Nobel de la paix, on pourrait également suggérer Yves Bolduc pour le Nobel de littérature et Gaétan Barrette pour le Nobel de physique. Oui, tout à fait. Il y a la grande marque de vêtements espagnole Zara qui a commis une nouvelle faute cette semaine. Oui, on se rappelle la mise en vente en 2007 de sacs brodés avec une croix gammée. Oui. Ça avait soulevé beaucoup l'indignation. Mémorable de souvenir. Oui, et là, la compagnie a mis en vente cette semaine sur Internet une superbe marinière à rayures bleues pour enfants dotée d'une étoile jaune sur le devant. Ah, fâcheux, faut pas. Ah oui, évidemment, l'initiative a créé un autre tollé. La compagnie a dû réagir. L'item a été retiré du site Internet et un responsable des relations publiques de la compagnie a rassuré la clientèle que les rayures bleues allaient être retirées. Ça fait pas bien tout le monde. Les rayures, non, c'est ça le problème, surtout. Oui. Enfin, ben Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Hein. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Frédéric. Hey, comment ça, je suis là avec le premier invité? Okay. Notre premier invité. Oui. Ben, allez-y. On l'a découvert dans le film Eldorado au milieu des années 90 avant de l'aduler dans des émissions comme La vie est tout sur moi. On la verra sur ICI TV dans une nouvelle série. Accueillons Macha Limonchi! Tenez votre micro comme une chanteuse. On n'a pas les moyens d'avoir des pieds de micro à Radio-Canada. On en a que quatre. Mais bon, on est en train de faire plusieurs mises à pied pour s'acheter des pieds de micro. Ça s'en vient. Oui. Vous allez bien, Macha? Oui, ça va bien. Je suis un peu stressée. Comment ça? Parce que je vous trouve très drôle. Ah non. Et ah je non. ne le suis pas. Ah, c'est pas vrai. Et non, j'ai chaud. Il fait chaud ici. Ah, ça fait très chaud. Fais-tu chaud oui, ici? Oui, je ne savais pas que j'avais une moustache, mais là. Mais cette idée aussi d'être venue en coupe-vent, même. C'est une gel à bas. Ah, c'est une gel à bas? Ben, je sais pas, c'est une chemise. Ben, une longue chemise, en tout cas. Une longue chemise. Vous avez même pas de short en dessous. Mais soyez pas stressés, Macha, parce que vraiment, on est très... Mais c'est pas à moi, c'est pas moi on qui... On est d'adon ici. Hein? Vous êtes fin. Oui. Non, non, mais vous êtes drôle aussi. Il me semble qu'on vous regarde à TV, vous nous faites rire. Oui, mais il y a des gens qui écrivent pour moi. Mais nous aussi, voyons donc. Pensez-vous que c'est nous qui écrivons? On a des scripteurs en Chine. Hein. Ouais. En soi, ça, c'est un peu bizarre, mais une fois traduit, c'est correct. Vous avez beaucoup d'actualité, Macha, parce que vous êtes dans Nouvelle Adresse, qui commence très bientôt à Radio-Canada. Oui. Expliquez-nous un peu le concept, parce que j'ai lu que vous étiez Daniel, une cocufier. C'est les deux mots que j'ai lus dans c'est votre... Vrai? Ouais, c'est vrai? Oui, je suis cocufier. Ah, c'est l'histoire de Nathalie, qui est atteinte d'un L'autre cancer. Macha. L'autre Macha. Ouais. Et je suis sa meilleure amie. Je suis... C'est ma première madame que je joue, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire par une madame? Je sais pas. J'ai un look de madame, puis c'est la première fois. Vous êtes rendue là. J'ai voilà. 44, voilà. Non, non, mais attendez un peu. C'est quoi, ça, une madame? Ben, je sais pas. Vous verrez vous mes avez, cheveux. Vous avez... Ah, c'est ça. Oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Vous avez un brushing frisé court. Exactement. Ah oui, exactement. Hein? Ça, c'est spécial, oui. Ça. C'est toujours une... Enfin, on partira pas là-dessus. Mais là, j'ai lu deux critiques dans les journaux. Okay. Sur ça. Moi, je lis pas. Ah, okay. Oh, okay. Mon Dieu, est-ce que vous voulez que je les lise? Ben non. J'en ai deux. J'en ai une d'Hugo Dumas et j'en ai une de Stéphane Béarjon dans Le Devoir. Okay. Choisissez-en une. Je sais pas. Moi, je prendrais Hugo Dumas. OK, Hugo Dumas. Alors, Hugo dit « Heureusement, le ton général de Nouvelle Adresse ne restera pas aussi lourd que pendant toute la saison, qui compte 12 épisodes. D'abord parce que la voisine et meilleure amie de Nathalie, interprétée par Macha Limonchik, est extraordinairement drôle. » Heureusement qu'elle déclenche des rires, cette Danielle, une sorte de femme au foyer de Westmount, égocentrique. Ah, c'est vrai que vous êtes une madame. Hein? Oui, toujours un verre de vin à la main ou une réplique comique en bouche. Quand on vous dit que vous êtes comique. Mais en même temps, je sais que c'est pas vous qui écrivez vos textes, mais quand même, oui. Vous êtes quelqu'un de comique. C'est une très bonne critique. Mais je vais lire Stéphane Bellargeon pour le fun. Non! Ça, c'est dans le devoir. Mais il ne faut pas y en vouloir à Stéphane. Ouais. Il est fâché. Alors, Stéphane, les plus sévères pourront parler d'un « breaking too good », tant la production québécoise suinte le drame bourgeois pour téléspectatrices en mal de scène, alternant le bonheur et la tristesse. Nathalie Lapointe est belle et bonne, et talentueuse et bien née. Elle tient chronique dans un journal et la ville entière l'admire. Sa petite famille décomposée, mais parfaite, vit dans un univers design. Ses frères croulent sous le fric. Tous les enfants fréquentent l'école privée et leur drame personnel donne la forte impression de suivre un watatata des enfants, des enfants de bobos du plateau. Mon Dieu, ils sont ta mère au devoir. C'est extraordinaire. Mais petit tirage. Petit bonheur. Petite amertume, effectivement. Est-ce qu'il y a raison un peu, Stéphane? Oui, il y a raison un petit peu. Ah oui, c'est vrai? Ben oui, c'est des gens friqués qui ont des problèmes de gens friqués. Mais, mais en même temps, être cocufié ou avoir une récidive de cancer, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à toutes les classes. Mais c'est vrai que les enfants vont à l'école privée, qui ont des petits costumes, puis tout le monde est beau. Mais ça peut pas, c'est pas nécessairement un point négatif. Non, fait. Non. Il est pas fin, Stéphane. Non, mais il faudrait qu'il vienne, Stéphane, enfin, pour s'expliquer. Ben, il faut de tout pour tout le monde, peut-être. Ben oui, mais en fait, c'est ça, justement, si ça pogne tant que ça. En tout cas, visiblement, Hugo est très, très, très... est un lover, visiblement, de cette série-là. On va vous le dire tout de suite. Ouais, on a hâte de le voir, donc je pense que ça va pogner. Mais qu'est-ce que ça prend pour pogner une série québécoise? Je sais pas, ça, c'est vraiment un mystère. Parce qu'on sait que L'Anse et Compte a pogné beaucoup l'année dernière. Alors que, ben c'est vrai, ça a été écouté, ça faisait le million à chaque semaine. Ouais. Alors que... Les jeunes loups aussi. Comment? Les jeunes loups, ça a bien fonctionné. De toute façon, à TVA, on dit, bon. Les barres de couleurs. C'est drôle, je disais dans ses comptes, mais je pensais aux jeunes loups. C'est pour ça que je vous ai repris. C'est pour vous dire comme un vaut l'autre. Hein. Le dicton le dit, à TVA, les barres de couleurs font un million. Oui, mais c'est des belles barres de couleurs. Oui, il y a ça. Puis, Série Noire, évidemment, faisait 300 000. Mais c'est quoi la recette pour faire un bon téléroman? Je vais pas vous mettre de pression. Le Dramourama, je pense que les Québécois aiment ça. Le Dramourama? Oui, oui, bien du drame, beaucoup d'intensité. Je pense que les gens n'aiment pas quand c'est auto-référentiel, comme Série Noire, des auteurs qui parlent d'auteurs, Tout sur moi, des acteurs qui parlent d'acteurs. Mais ça a pogné, Tout sur moi? Ben non, ça a pogné beaucoup avec très peu de gens. Mais c'est comme nous ici à la soirée. Ils sont 25, mais Christy qui trépanne. Oui, mais ils sont Mais il demeure quand même qu'on est combien d'années après la fin de Tout sur moi? Presque 7 ans? 6 ans? Je sais pas, 2008? Après Tout sur moi? Ouais. C'est quoi, c'est ça? 2008? Mais non, ça fait 3 ans peut-être. Ben voyons donc, ça fait plus que 3 ans Tout sur moi. Non, 3 ans. Ouais, ah ouais, 3 ans que... Ah. Maximum. Ah ben mon Dieu, alors ça fait déjà 3 ans. Mais oui, mais pauvre voilà. Vous. Ben oui. Puis vous jouez une grave. Grosse bourgeoise de Westmount, en fait. Ah, c'était cœur. Elle est plus riche que moi. Ben oui, c'est bien clair. Est-ce que vous avez volé du stock sur le set? Non, c'est pas possible. Non? Non, c'est pas possible. Ça, c'est ça qui est plate, des fois, avec la télé. Oui. Mais bon, 3 ans après la fête Tout sur moi, on en parle encore. Il y a encore plein de publicité à l'intérieur. Pour ceux qui viennent visiter Radio-Canada, ils vendent encore le DVD de Tout sur moi et c'est encore un des meilleurs vendeurs. Il y a des promos du DVD Tout sur moi encore à ce jour à Radio-Canada. Oui, on m'arrête encore beaucoup, beaucoup. Puis il y a des gens qui viennent d'écouter ou réécouter la série. Ouais. Bon, mais ça fonctionne. Donc, ça fonctionne avec très peu de... de répercussions financières, c'est ce que vous voulez dire. Non, okay. Non, oui, tout à fait. Mais je les remercie, tous ces fans. Mais bon, mais en même temps, ces fans aimaient beaucoup l'écriture de M. Bourguignon. Oui. M. Bourguignon, bon, parlons-en. Que vous connaissez, je pense. Vous connaissez bien? Oui, je le connais. OK, d'accord. Encore? J'ai déjà couché avec. On a tous couché avec M. Bourguignon. Point scoop. OK. Deux fois. Ah, mon Dieu. Bon, il est 5h15 à Radio-Canada en ce moment. Moi, il m'a pas rappelé, en tout cas. Est-ce qu'il va se remettre à une écriture de ce type-là? Non, pas du tout. Il écrit, mais c'est pas du tout... Du type Tout sur moi? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il écrit? Ben, je peux pas vous le dire. Ben, c'est en développement. Oui. Mais moi, j'en ai lu. Ah, ben, mon Dieu, vous avez encore des bonnes relations avec, quand même. Oui, quand même. Ah, ouais. Et j'espère que ça va être... j'espère que ça va être produit en nombre, parce que c'est vraiment magnifique. Ça va ailleurs complètement. Est-ce que c'est encore de la comédie? Non, il y a des bonnes jokes, par exemple, parce que c'est un scripteur de jokes. Ben, c'est ça qui se passe avec M. Baillargeon. Ben, oui, voilà. Baillargeon ou Bourguignon, c'est la même chose. Je me trompe tout le temps de nom. Hier, j'ai appelé René Daniel Dubois Michel-Marc Bouchard. Ben oui. Ah, mais ça se peut. Mais c'est-tu niaiseux que deux auteurs de théâtre aient deux prénoms? Moi, je trouve que c'est... ils sont même de la même génération. Vous êtes le seul à penser ça, hein? Vous savez ça? Mais moi, je le pense fièrement. Est-ce que vous êtes encore en thérapie? Je suis en thérapie. Ça va toujours aussi mal. Ça va toujours aussi mal? Oui, ça va toujours avec aussi François mal. Papineau, c'est à ouais. TV5. Ça ouais. fonctionne beaucoup, cette série-là? Oui, ça a bien vraiment, marché. Vraiment, ouais. ça a très, très bien fonctionné. Ouais. Jean-Sébastien, qui aime beaucoup cette beaucoup. Série... me demandait si vous étiez toujours donc pour la prochaine saison. Vous êtes encore en thérapie, donc ça veut dire que vous n'avez rien réglé? Non, j'ai rien réglé. On y va pour notre fils, en fait. Parce que c'est un couple qui... séparé, non? Qui est séparé et qui magane leur enfant. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous avez réglé ça? Est-ce que c'est un nouveau personnage? C'est le fils, en fait, qui est le nouveau personnage. Okay. Qui est joué par... OK, je suis désolé de poser cette question-là. Pas Jacques Godin, toujours? C'est Guillaume le métier vierge. Mais c'est crédible. Tant que mais ça oui, crédible. C'est crédible. mais oui, c'est toujours aussi... il faut un couple aussi effroyable. Et d'aller voir François Vévinot, qui est, paraît-il, un des bons psys à Montréal. Ouais. Ouais. Est-ce que ça te donne envie d'aller en voir un soi-même quand on revient? C'est fait, moi. Ah oui, c'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous savez que je lisais un article de Nathalie Petrovski. Quand on trouve un article de Nathalie Petrovski okay. sur un artiste, c'est comme le jackpot. Parce qu'honnêtement, c'est comme si la job était faite. Alors, je lisais et ça commence comme suit. Vous êtes probablement dans la catégorie des acteurs qui, lorsqu'on les interviewe, ne veulent pas se compromettre ni faire d'erreurs tactiques et diplomatiques, ce qui fait ramer les intervieweurs. Vous compromettre sur quoi? Je sais pas, j'ai déjà dit que j'ai couché avec Stéphane Bourguignon. Ouais, c'est déjà, ça. Voyons donc, c'est... mais en même temps, c'est pas comme si c'était pas connu. Mais je veux dire, vous compromettre sur quoi, sans blague? J'ai aucune idée. Elle devait être irritée, irritée par moi. Madame Petrovski est rarement irritée. Non, mais je devais l'irriter. J'imagine. Elle est plus irritante qu'irritée. Ah, ça, c'est vos mots, ça. Ben non, mais je sais bien. Mais gérer ça avec son mari. Dit, ouais. Ouais. Non, mais je sais pas, des fois, oui, exactement, il voudrait qu'on se prononce sur la guerre en Irak. Et... Fait que c'est quoi votre opinion sur ce qui se passe en Israël en ce moment? Non, mais quand même, vous avez non, pas non, des... c'est trop complexe. Okay, je vais pas rentrer là-dedans, on n'a pas là-dedans. Le temps. Oui, dites-moi, Jean-Sébastien, vous alliez dire quelque chose? Ben, si vous êtes pour ou contre. C'est assez simple, hein? Je peux simplifier ça. Ouais. Ben, c'est... Ouais, ben, pour ou contre? Arrêtez! Là. Non, là, arrêtez! J'ai chaud! Non, je suis gênée! Hey, moi, j'ai chaud, c'est moi l'enfer. Moi aussi, j'ai chaud. C'est-tu humide? C'est humide et lourd. Ah oui, oui. Ben, lourd à cause de la température. À cause de la oui, température. Oui, ben, oui, exactement. Oui. Je disais aussi que vous étiez une des seules actrices qui demande de passer des auditions, même lorsqu'on les choisit. C'est déjà arrivé, ça? Oui, ouais. Mais pourquoi faire ça? Ou je propose, ou si j'ai le rôle. Ouais. Ça, j'ai fait ça plusieurs fois. Donc, on vous offre le rôle. On m'offre le rôle et je dis... Mais pourquoi pas Élise Guilbeault, par exemple? Ça, est-ce que j'ai des idées de casting. Ah oui, hein? Ouais. Est-ce que c'est de la générosité, de la naïveté ou du manque de confiance? De la naïveté, du manque de confiance, de la stupidité. Oui, j'allais dire stupidité. Oui, c'est tout ça. C'est tout, tout ça en même temps? Ouais. Moi, ouais. Je devais animer La soirée est encore jeune. J'ai dit non, non, non, j'en fais le beau-tier. Moi, j'aurais dit Élise Guilbeault. Elle aurait été excellente. Excellente. Elle a beaucoup plus de culture que moi. toujours est-il, vous voulez rester avec nous, hein, parce qu'on va avoir encore plusieurs personnes. J'ai un souper, mais je serais tellement restée. Moi, ça, vous avez un souper dimanche soir. Un souper de bonheur? C'est un souper de bonheur, oui, parce que ma fille vient avec nous, ma fille. Ah. Oui, je me compromets. Mais oui, et voilà. Et voilà. Vous étiez mère. Et voilà. Donc, j'ai un souper, je crois qu'on va manger. Ouais, non, mais dites-moi, on a du fun, dites-moi. De la pizza, je crois. Les gens chez qui on vend pas le goût de faire à manger. Cheap un peu. Hein? Cheap un peu. Ouais, okay. Chantal Lacroix, vous aurez dit un bon club de sandwich. Toute une soirée. Non, non, ou peut-être du Saint-Hubert. Un bon Saint-Hubert. Un bon Saint-Hubert. Mais au moins, restez jusqu'à la prochaine, bien jusqu'à sûr. La fin de l'heure, hein, parce qu'on a un super débat qui s'en vient. Moi, je suis pas sûr. Bien sûr. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour débattre, hein, vous le savez, oui. Et on va le répéter toute l'année. Et notre juteux débat hebdomadaire où nous discutons d'un sujet de fond, jusqu'à ce que ça sente le fond, je l'ai travaillé cette semaine, celle-là. Ben oui. On a trouvé un sujet extraordinaire cette semaine et ça a touché vraiment beaucoup de personnes dans l'équipe. Vous savez, c'est l'histoire de cette jeune fillette de 3 ans à qui on a refusé la baignade parce qu'elle faisait du gros topless dans la piscine à Outremont. Non seulement a-t-elle été... Vous êtes déjà biaisé dans votre présentation. Attendez un peu, Fred. C'est affligeant. Non seulement a-t-elle été expulsée, mais elle s'est même cogné le coco dans l'altercation entre sa mère et la sauveteur. Alors la question se pose, allons-nous trop loin? Et c'est la question qu'on pose à nos deux débatteurs de ce soir, le très malhonnête, vicieux, visqueux Fred Savard, qui est contre le monokini chez les jeunes filles, et l'excellent et toujours bien posé Jean-Philippe Vautier, qui est pour le tout nudisme chez nos jeunes. Je serai juge dans ce débat. C'est comme ça, c'est un hasard. Et je vais donner la parole, vraiment au hasard, à Jean-Philippe. Ah, mon Dieu! Ben merci. Alors, messieurs, mais on va commencer ça fort. Je serai très bref. Est-ce qu'il y a une autre position, mesdames et messieurs, que le soulèvement envers ce grave manque de jugement? Franchement, moi, ce qui m'écœure dans la vie, ce sont, un, les problèmes gastriques, et deux, le manque de jugement. Et ça, c'est un grave manque de jugement. Et est-ce que je me trompe si je dis ceci? Les moments les plus heureux que l'on passe dans notre vie sont généralement ceux que l'on passe tout nu. Est-ce que c'est vrai? Macha? Non, peut-être pas pour vous, mais en même temps, vous avez plein de... Non, pas pour moi, mais peut-être pour Élise Guilbeault. Vous me faites regretter de ne pas l'avoir invité. Bon. C'est vrai que faire un club sandwich tout nu est une expérience transcendante. Toujours est-il que ma jeunesse a été marquée lorsque j'avais ma Zwin à l'air et mes meilleurs souvenirs, vraiment, mes meilleurs souvenirs, mes souvenirs de famille, les plus belles photos de famille que j'ai la Zwin à l'air. Et d'ailleurs, une photo que j'ai encore et que je garde précieusement, c'est moi, à l'âge de 3 ans, en bottes à tuyaux, avec un T-shirt et la Zwin à l'air. C'est un autre type de monokini, mais il demeure que c'est encore un souvenir pour lequel je pleure, mesdames et messieurs. Et je trouve qu'être tout nu, ça te pratique à être à l'aise dans ton corps. Donc, évidemment, je ne vois pas comment on peut être contre le tout nudisme. À l'âge de 3 ans, en plus, c'est dégueulasse. Fred? Écoutez, moi, j'ai hérité de la position inverse, bien malgré moi. Mais en même temps, j'ai réfléchi à tout ça. Et finalement, je suis content parce que, premièrement, en lisant Jean de Montréal, chose que je fais toujours avec un grand plaisir, J'ai lu le petit encart avec un sexologue qui, lui, était d'accord tout à fait avec l'expulsion, en fait, avec le règlement de mettre un bikini pour un enfant de 3 ans parce que ça attire, il paraît, les pédophiles. Et là, on est assez tôt. Je ne vais pas répéter ce mot, je vais dire guétant. Hein? Alors, ça attire... guétant. Ça attire les guétants. Et les guétants font, eux, la différence entre les petits garçons et les petites filles. Et il paraît qu'il y aurait 5% de guétants parmi les hommes. Alors... Oh, what? 5% des hommes seraient déguetants. Et je me demande, avec votre amour de la Zwin à l'air, si ça ne serait pas plus que 5%, franchement. Et en plus, il y a une loi à Outremont, il y a un règlement sur les bédaines à l'air qui a été adopté, si ma mémoire est bonne, en 1984 par le maire Jérôme Choquette. Jérôme Choquette, que vous ne connaissez pas, ça c'est sûr, qui est un ancien politicien. C'était une tête de turc des cyniques. Les cyniques, c'est un groupe d'humour très, très, très assez. OK, là, franchement. Marc Lorando là-dedans. Voilà. Alors, ce règlement-là vient. Il y a une communauté à Outremont qui n'aime pas les bédaines et ils ont fait passer ce règlement-là. En fait, ils ont suggéré, c'est passé. C'est la démocratie. D'être contre ça, c'est un petit peu d'être contre l'inclusion de toutes les communautés d'Outremont qui ont des visées différentes. Et je me demande si vous ne seriez pas pro-charte, vous, dans le fond, à vous entendre parler et aimer les bédaines comme ça. Et là, je ne fais pas du tout de mauvaise foi. Et parlons d'hypersexualisation également, ce grand fléau. Si on commence les petites filles à 3 ans, là, en bédaine, à 14 ans, ils vont être comment? Hein? Vous pensez à ça, l'hypersexualisation? Ben non, vous n'avez pas pensé à ça, parce que vous-même, vous êtes hypersexualisé dans votre carrière devant le micro, espèce de guédaille médiatique. Et je paraphraserai le personnage de Gilles Pelletier dans Jésus de Montréal. La loi, c'est la loi. Si vous voulez faire vos affaires, vous allez les faire ailleurs. Rappelons-nous dans les années 20. Dans les années 20, les messieurs avaient des costumes de bain, one suit, et c'était parmi les plus belles années de l'histoire de l'humanité. Ils appelaient ça les années folles. Alors, c'est pas vrai qu'il faut être tout nu pour avoir du plaisir. Frédéric, je pense que vous êtes contre le tout nu. Non, je ne suis pas contre le tout nu, mais pas Outremont dans une piscine. Vous avez peut-être une gêne naturelle. Vous seriez étonné du nombre d'heures par semaine que je passe tout nu. Vous seriez étonné. Peut-être que vous êtes gêné de votre tout nu. Oh boy, non. Mais ça se peut, et prenez-le pas mal. Oh, je le prends pas mal. Faut pas être gêné de son tout nu. Ah non, je le sais, non, non. Vraiment, parce qu'il faut apprendre à s'accepter. Mettez-vous tout nu. Non, mais là, on parle pas de moi. Mettez-vous tout nu, là. Fred, mettez-vous tout nu en ce moment. J'ai trop peur, il y a des guétans dans la salle. pense pas que les guétans soient le problème en ce moment, Fred. Mais mettez-vous tout nu. Ben oui, et voyons si on est capable de mieux vous accepter. Non, mais un peu de pudeur. On peut avoir un érotisme flamboyant et matiné de pudeur. C'est une petite fille de 300. Mais la génération. Ben justement, on n'a pas besoin d'érotisme et d'affaires de même. Regarde, le règlement, c'est un bikini. Vous allez mettre vos deux pièces. Vous n'êtes pas content, vous irez vous baigner à chaque maison neuve. Bon. D'ailleurs, on salue les gens de Oma. Est-ce qu'à Chaga Maisonneuve, on a le droit d'être. J'en ai aucune idée, voyons donc. OK, ben, vous avez aucun argument vérifié. Ben, pas vraiment, là. Non, c'est juste le jeu, là, pour le plaisir de la réflexion. Excusez-moi. Bon, alors, je fais quand même un tour de table rapidement pour savoir qui est d'accord ou non avec cette politique. Olivier, est-ce que vous êtes un fan du tout nu, vous? À chaque fois, je vois vos enfants sont tout nus, vous. Non, en fait, justement, je pense que l'argument du soleil n'a pas été assez évoqué parce que le soleil, ça. Là, sur la peau d'un petit enfant tout nu, c'est pas bon, ça. Non, c'est vrai. Moi, je leur mets un haut. C'est des garçons, puis je leur mets un haut. Oui. Ils vont avoir des problèmes plus tard. Hein? Jean-Sébastien? Moi, je suis un adepte de la pudeur. Ah! Ouais. Macha? Ben voyons donc! C'est une fille de 3 ans! Ben oui, mais voyons ça, donc! Mais vous êtes une actrice, vous. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les actrices, c'est des sensuels. Par essence. C'est des sensuels, ben ces oui, gens-là. Ben oui! Mais c'est correct, là. Mais c'est n'importe quoi. Moi aussi, je suis vraiment étonnée, les garçons. Il n'y a que sur le plateau que tu peux être tout nu jusqu'à 8 ans. Exactement. Hey, on est censé sur le plateau, franchement. Bon, ben, je pense que c'est le temps de faire le tour, savoir qui a raison ou qui a tort dans ce débat-là. Mais je vais aller par applaudissement. Évidemment, moi, j'ai déjà décidé parce que c'est moi qui le juge, ben ce oui. débat-là. Mais je ne donnerai pas ma réponse immédiatement. Alors, si vous pensez que Fred a raison, s'il vous plaît, applaudissez. Bon, ça ne me dérange pas, j'adore ça, moi. Pensez tous pareil, gang de Je vais y aller parce que J'ai l'ego qui déborde. Hein? Et si vous pensez que c'est Jean-Philippe Vautier qui a raison dans le débat, applaudissez. J'espère que vous n'êtes pas dupes, que tout ce débat-là, c'est juste pour qu'il y ait des applaudissements. Il y a tellement ça qui perdure en ce moment. Merci, Machan, pour votre appréciation du tout nu. je ne sais pas si vous allez, si vous êtes un fan de publicité de bon café et de bon petit beignes, ben oui. Mais nous, on est vraiment des fans de publicité de bon café et de bon petit beignes. Alors, on va écouter une publicité de bon café et de bon petit beignes. Allô? Allô, Sylvain, c'est ton estomac. Hein? Ben oui, puis là, je t'appelle pour te dire que dorénavant, quand t'auras une fringale, ce sera plus pour des Timbits, des beignes à schlang ou des wraps au poulet réchauffés au micro-ondes. Ah non? Ah non, monsieur, parce qu'imagine-toi donc que Tim Hortons a fusionné avec Burger King. Fait qu'à cette heure, quand tu vas avoir faim, ça va être surtout pour des Whoppers, des poutines puis de la grosse liqueur brune en format familial de 2 litres. Fait que surprends-toi pas si pancréas, foie puis vessie t'appellent aussi. Ah, vessie! OK, bye! Regardez ce qu'il y a dans ma besace. C'est votre besace, ça, j'imagine? C'est ma toute petite besace, Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'il y a dans votre besace cette semaine, Jean-Sébastien? Des produits culturels, comme à toutes les semaines. Et je commence immédiatement avec ce bel ouvrage, Jean-Philippe, qu'on pourra faire tirer dans la salle un peu plus tard. Alors, ça, c'est gentil, ça. Oui, je l'offre à mon public, alors que je pourrais le garder. Tout simplement. Mais c'est un beau cadeau que vous faites. 40 ans de vue rêvée, Jean-Philippe, c'est un collectif illustré qui constitue une sorte de référence sur le cinéma québécois fait par les femmes, Jean-Philippe. Évidemment, je vous entends dire, bon, ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait du cinéma à part Léa Paul, Léa Paul et Léa Paul? J'ai une bonne blague, moi, là-dessus. Hein? C'est quoi? Vous savez combien ça prend de féministes pour changer une ampoule? Non. Ça en prend une et 39 pour faire une vidéo sur l'expérience. Franchement. J'ai pris cette blague dans le spécial Femmes de Crow 1984. Ah oui, hein? Qui traîne dans ma salle de bain. Vos idées sur la femme datent de 1984? C'est pas mes idées, c'est une blague que j'ai lue. Cela étant, on fait des blagues, mais effectivement, les femmes en cinéma, ce n'est pas légion, il n'y en a pas tant que ça. On s'en rend compte en parcourant l'ouvrage en question. Le nombre de femmes, Jean-Philippe, qui travaillent dans le cinéma n'est pas plus élevé qu'il y a 20 ans. Et les femmes, aujourd'hui, font beaucoup moins de films maintenant qu'il y a 20 ans. Quand les gens veulent faire des recherches sur ce cinéma-là, eh bien, ouais. C'est à peu près pas documenté. Alors, il y a des femmes, il y a des cinéastes qui se sont réunis pour dire, écoutez, il faut qu'on documente ça. Il faut qu'on puisse s'arranger pour que ces gens-là tombent pas dans l'oubli. Leur travail... Ils ont fait leur petit fascicule. Ils ont fait leur... C'est plus que fascicule. Ah, d'accord, je suis tellement allé de ça. Et donc, effectivement, on fait le portrait de plein de cinéastes qui ont fait au moins un film dans leur vie. Ils sont à peu près toutes là. Alors, vous vous dites que c'est peut-être de façon très, très, très didactique. Or, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est extrêmement intéressant. Et quand on regarde cet ouvrage-là, on a envie d'aller à la boîte noire et de regarder des vieux films de grandes cinéastes québécoises. Bon, on a envie de revoir des Paul Baillargeon, des Micheline Langteau, des Anne-Claire Poirier, Marie-Lou Wolfe aussi. Qui a fait un beau film de parachute il y a quelques années. Il y a un portrait d'elle aussi dans cet ouvrage-là. Alors, voilà. Alors, ça s'appelle 40 ans de vue rêvée. Pourquoi 40 ans, Jean-Philippe, et non pas 50 ans, 60 ans, 70 ans? Je vous écoutais pas. Okay. Et vous savez pourquoi je vous écoutais pas? Oui. Non, mais je vais vous le dire. Parce que ça vous intéresse pas, la culture? Au contraire. C'est parce que ma réalisatrice me parlait dans l'oreille au même moment. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me demandait de poser une question à Machant. Et la question vient faire dans ma chronique. Attendez un peu, elle est là, on va l'utiliser. Voyons donc. Avez-vous déjà tourné avec une femme, Machant? Ben, moi, c'est la première fois cette année. C'est une réalisatrice de cinéma, mais j'ai tourné avec elle pour la télévision. C'était Sophie Lorrain. Et j'ai tourné cette année pour la première fois, la deuxième fois avec Loué Robichaud dans Féminin Féminin. Puis c'est-tu le fun ou... C'est vraiment le fun. Ah ouais. C'est très le fun. Puis j'espère avoir d'autres expériences avec des femmes cinéastes. Ah, puis comme spectatrice aussi, cinéphile, souvent je me sens en fait de moins en moins concernée de autant d'hommes à l'écran. Tournez-en des films. Mais moi, je suis pas réalisatrice. Mais oui, mais tout le monde devient réalisateur demain. Ouais. Marie-Lou Wolfe, come on. Non, mais c'est quelque chose que je nous souhaite. Il y a plein d'histoires de filles à raconter. Je sais bien. Tout le monde a une mère, une sœur, une tante, une guichetière. Harmonium le disait, on a mis des femmes au monde pour les écouter. Exactement. Wow. Mais c'est beau, Fred, franchement, honnêtement. Harmonium, c'est un groupe québécois des années 70. Ok, c'est assez, Fred, honnêtement. La question que je vous posais, Jean-Philippe, alors pourquoi 40 ans de cinéma féminin seulement dans l'ouvrage? Ouais. Parce que le cinéma féminin a seulement 40 ans. Le premier film réalisé par une femme date de 1972, donc ça fait un petit peu plus, ça fait 42 ans. Okay. C'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui sait quel est le premier film réalisé par une femme au Québec? Attendez un peu, là. Est-ce que c'est quelqu'un de connu? Ou c'est un addon? Ben, connu pour nous, pas pour vous, Jean-Philippe. 72. 72? Oui, 72. Marc-André est arrivé déjà. Est-ce que vous avez une idée, Marc-André Lucier, là? Premier film réalisé par une femme au Québec, premier long métrage de fiction. Mourir à tu tête? Non. Anne-Claire Poirier? Non. Ah, c'est pas ça. C'est La vie rêvée de Mireille Dansereau. Ah! Voilà. Mais vous saviez, Marc-André Lucier? Oui. Il faisait des gros signes, mais comme ça, on lui a pas donné de micro. Il a pas encore son tour. Et il le sait par après. On le savait tout. Moi aussi, je le savais. Voilà. Alors, c'est peut-être pas, je pense, un film transcendant, mais c'est un film important, en tout cas, dans l'histoire du cinéma. Mais prêtez-moi le livre. Voilà. Et je vais le feuilleter dans la pause et je vais faire tirer après une fois que vous l'avez lu. Est-ce que j'ai le temps d'un autre objet dans ma. Oui, voilà. Une petite minute rapidement. Alors, j'ai ici ce DVD. C'est le... Il a été prêt à boire toi. C'est un DVD vide. Parce que je ne l'ai pas reçu encore. Alors, j'ai mis une boîte vide. On est en radio, c'est pas comme ça de ta TV. Je l'ai vu au cinéma. Alors, c'est un DVD qui est sorti mardi dernier et qui s'appelle Fermière. C'est un documentaire d'Annie Saint-Pierre. Et là, vous avez beaucoup ri de moi cette semaine. Je vous ai parlé de ce documentaire-là. Sans arrêt. Moi, j'ai pas ri. Il y a des gens qui me disaient, c'est quoi ça? C'est un documentaire sur le mouvement des cercles des fermières au Québec. Et là, au bureau, on me disait, voyons, tu niaises, t'as pas vraiment aimé ça. J'ai voulu aller le voir avec ma mère qui m'a dit voir que je vais voir un film sur le cercle des fermières. Mais votre mère est spéciale. Elle est un peu confuse. Ben oui. Voilà. Donc, évidemment, on peut penser que c'est un film un peu inintéressant, comme vous le dites. Or, c'est un magnifique documentaire, très sobre, très humain. Jean-Philippe, on apprend beaucoup sur ce mouvement-là. Premier mouvement féminin créé au Québec en 1915. Un mouvement pas toujours progressiste, c'est ce qu'on apprend dans le documentaire. Entre autres, elles se sont opposées, ces femmes-là, au droit de vote à l'époque. Pour les femmes? Oui, pour les femmes, parce que ces femmes-là... C'est un peu comme vous, hein? Il me semble que ça aurait été votre genre, ça. Vous faites pas confiance, vous envoyez Lise Guilbeault voter à votre place. Il y a des limites à ma niaiserie. Parce que ces femmes-là considéraient que la politique détournait les femmes de ce qu'elles devaient faire, c'est-à-dire du tricot, des petits points, ce genre de choses-là. Et il y a des personnages fascinants dans ce documentaire-là. Je pense à une vieille dame, entre autres, qui est une spécialiste du tissage au moulin et qui est très vieille, qui va mourir dans 2-3 ans et qui dit « Ça intéresse plus personne, la transmission de ce savoir-là. Je veux donner des cours aux jeunes fermières. Elles veulent rien savoir de ça. Elles trouvent ça complètement futile et inutile. » Il y a des jeunes aussi qui sont là, qui ont 30-40 ans et qui consacrent leur année entière à développer un nouveau fudge. Un fudge ou bien non, à coudre une paire de pantalons pour gagner un prix dans le concours. Est-ce qu'elles sont toutes fermières encore? Pense que ça représente à peu près moins de 10 % donc elles sont dans les villes. Et ce qui est formidable, c'est qu'évidemment, on peut penser que c'est des personnages un peu étranges. Quand à 40 ans, tu développes un fudge à temps plein. Sauf que ce qui est formidable dans le film, c'est que la réalisation pose un regard absolument pas condescendant. C'est plein d'empathie, plein d'humanité. Et ces personnages-là on les trouve formidables. Ces fermières, c'est disponible depuis mardi. Un documentaire d'Annie Delisle. S'il y avait plus de fudge dans le monde, on aurait moins de guerre. Bien, c'est noté, Frédéric. Hein, je vous remercie énormément. Envoyez du fudge en Ukraine, voilà. Là, ça se calmerait. Oui, bon, ben écoutez, j'ai aussi regardé ici, ça, c'est la programmation 2014-2015 du Théâtre de Gatineau. Mais faites vite, hein, parce que vraiment, ça commence. Ben écoutez, là, je suis dans mon jukebox, je vais vous présenter une chanson dans quelques secondes. Le lien que je fais, c'est que cette année, au Théâtre de Gatineau, on aura un spectacle de David Giguère, que j'aime plus que ma propre vie, Jean-Philippe. Une carte blanche lui sera dédiée cette année. Ça va être orchestré autour de son dernier album, okay. Casablanca. Ça sera mis en scène par lui et par Emmanuel Schwartz, qu'on connaît beaucoup pour le travail de Wajdi Mouawad, entre autres choses. Si vous ne le connaissez pas, Jean-Philippe, vous allez découvrir maintenant un extrait de l'album Casablanca, c'est la pornographie sur Ici FM. Écoutez, la soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Première, une émission qui aime beaucoup moins les gros fusils que Peter McKay. Il paye du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ah, il me trouve drôle, qui m'engage au lieu de passer des votes. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Niquette! Hein, oui! Mesdames, c'est vous. Oui, okay. Parlons un peu du projet de loi 3 qui est encore d'actualité cette semaine. Sylvain Bouchard du FM 93 à Québec est totalement pour ce projet de loi parce que ça l'atteint personnellement en tant que payeur de taxes, surtout quand les syndicats disent que c'est aux villes de payer. Puis c'est aux villes à payer ça. Ah oui, aux villes. Chaque fois qu'ils disent « c'est à la ville », moi dans ma tête, c'est comme s'il y avait une traduction simultanée. Il est en train de dire que c'est au col rouge, qu'il n'y a pas de fonds de pension, qu'il n'y a pas une scène dans ses poches, qu'il n'en reste pas à fin du mois, qu'il va devoir encore se serrer la ceinture et cracher encore plus d'argent pour son voisin qui, lui, a un fonds de pension. C'est ça la traduction simultanée que j'ai dans la tête. Hey, ça doit pas être drôle de toujours entendre des voix dans sa tête qui parlent de taxes municipales quand même, mais ça me rappelle un peu quand je révisais pour mes examens quand j'étudiais en urbanisme. Peut-être qu'il faudrait que je vous explique un peu qui est Sylvain Bouchard, dans le fond, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans les dernières années. Sylvain, c'est l'animateur du matin de Cogeco à Québec, donc le Paul Arcand de la capitale. Et Sylvain, c'est un peu un activiste de la radio. Il est toujours prêt à endosser des causes que personne ne veut. Par exemple, il a déjà fondé un parti politique pour défendre les rednecks. Il a déjà organisé la journée du gars en l'honneur des exclus de notre société qui trippent sur les chars, la lutte et le magazine Summon. Il a aussi fondé un mouvement pour défendre les automobilistes qu'il a appelé le mouvement des couleuvres brunes. Parce que voyez-vous, les projets autoroutiers sont toujours bloqués par des niaiseries comme un nid de couleuvres en voie d'extinction. Et cette semaine, dans le cadre du projet de loi 3, ben, il a décidé qu'il allait distribuer des autocollants en faveur du projet parce que... Il n'y a pas d'association de défense du regroupement du contribuable. Ça n'existe pas. C'est quand même rassembleur, je trouve, comme projet, parce que le contribuable, dans le fond, si mes calculs sont bons, c'est pas mal toute la province. En fait, le contribuable, c'est lui qui élit les gens qui vont augmenter ou diminuer les impôts et taxes. Fait que c'est pas mal un mouvement pour protéger le contribuable des mauvais choix du contribuable. Mais... Le gros problème avec cette histoire de projet de loi 3, là, c'est que les syndicats nient complètement la réalité, selon Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec. Ils vont essayer de dire que c'est pas si pire, la situation va se résorber. Bon, on les connaît, ce sont des négationnistes. Ils vont essayer de dire que ça a été... Ben oui, c'est des négationnistes, ben oui. All the way, là. Ah, l'importance du choix des mots, quand même, dans mon dictionnaire, ça dit que négationnisme, c'est une doctrine niant la réalité du génocide des Juifs par les nazis. Ça dit aussi que... Ah non, c'est la seule définition. En même temps, le projet de loi 3, c'est comme un génocide des fonds de pension, quand on y pense, là. Sinon, on disait que Sylvain Bouchard défend des causes insolites, mais il y a aussi Jeff Fillion qui s'attaque à des problèmes insoupçonnés. Il y en avait récemment contre les campagnes contre le gaspillage de l'eau, parce qu'on va se le dire, là, l'eau, là, c'est un des plus grands fléaux du 21e siècle. Le problème au Québec de l'eau, là, savez-vous c'est quoi? On en a trop. On est chanceux? On en a trop. On donne un coup de pelle, il en sort. Oui. On a trop d'eau. Et enfin, je vais pouvoir arroser mon asphalte en paix. Non, mais on va se noyer si ça continue. Puis ce ne sera pas à cause des changements climatiques, hein, parce qu'il n'existe pas les changements climatiques, comme l'explique Richard Descaries, ancien conseiller de Stephen Harper et chroniqueur à Radio X. Nos réchauffistes, hein, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais on a vu qu'il y a une stratégie qui a été mise à nu par rapport au fait qu'on parle du réchauffement climatique, mais au niveau scientifique, il n'y a pas grand-chose de prouvé par rapport à ça. Et un interlocuteur comme Jacques Brassard est très, très fort pour nous dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre... le fameux CO2 qui est émis dans l'atmosphère, donc les polluants et tout le reste, versus le réchauffement climatique. Fait que d'un côté, on a 97 % d'études scientifiques qui estiment que les changements climatiques sont le fruit de l'homme. Et de l'autre, on a Jacques Brassard, historien et ancien ministre péquiste. Les réchauffistes doivent être petits dans leur culotte. Et pour continuer dans l'eau qui fond, terminons avec un des Ice Bucket Challenge les plus réussis, selon moi. C'est celui de Stéphane Dupont, animateur à Radio X, qui l'a fait en direct d'un bar de serveuse sexy. Alors, c'est le Ice Bucket Challenge. Je fais un don de 50 $ au bord. Shooter pour tout le monde! Ben, il a fait un don au bar. Hein? Tant pis pour la sensibilisation à la maladie, tant pis pour le don à la fondation. Il ne reste que de l'eau frette. C'est là qu'on en est rendu. Merci, Olivier. Où on en est rendu. Allô, Martine. Allô. C'est ton estomac. Ben, voyons donc. Juste pour te dire que Tim a fusionné avec Burger King, ma belle. Fait que quand tu vas avoir une petite fringale, tu vas avoir du choix en masse quand je vais t'appeler. Ben, wow, c'est un rêve. Je suis enceinte de 3 mois. J'avais justement envie d'un frappuccino glacé avec des chipettes de poulet bacon puis des rondelles d'oignon avec la costane mélangées dans un Coke Zero. Merci, Burger Horton! Burger Horton! C'est niaiseux, hein, quand même. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour Macha? Oui, j'ai des questions du public, mais avant, Macha, je voulais vous parler d'un jeu que j'ai inauguré hier qui s'appelle « Les écrits restent ». En fait, ce que je fais, c'est que je vais fouiller dans des vieilles revues à potins, voir des entrevues que les artistes ont accordées il y a 10, 20, 30 ans. Mais soyez sans crainte. Non, ça va être fun. J'en ai fait très peu, de toute façon. Oui, c'est intéressant, Macha, c'est que généralement, je pose la question à la personne et la personne essaie de se souvenir ce qu'elle a répondu il y a quelques années. Mais avec vous, je peux pas faire le jeu. Parce que visiblement, vous détestez faire ce genre d'entrevue-là. Écoutez, je vais vous citer textuellement un extrait d'une entrevue que vous avez accordée à La Semaine, il y a quelques années. Je n'invente rien, c'est textuellement. Le titre, c'est « 101 questions inusitées à Macha Lemounchik » et ça va comme suit. Quelle est la dernière résolution que vous avez prise? Aucune. Votre chiffre chanceux, j'en ai pas. Le nom que vous aimeriez donner à votre fils, je sais pas. Le nom que vous aimeriez donner à votre fille, je sais pas. Avez-vous des travers qui vous énervent chez vos amis? J'imagine. Avez-vous peur de la mort? Probablement. Avez-vous un talent caché? Non. La voiture de vos rêves, je m'en fiche. Et enfin, quel est votre proverbe préféré? J'agui les proverbes. Ouais. Pas mal. Quand vous avez pas de texte, tu penses pas grand-chose, hein? C'est un peu moins drôle, là. Mais non, franchement, je suis assez fière de moi. J'avoue que c'est des bonnes réponses. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils les aient quand même écrites. Oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est parce que nous, on doit les écrire. Puis eux font un salaire. Ah, c'est même pas eux qui vous envoyez ça par courriel. Non. Hein? Oui, exactement. Oui, non. Non, exactement, non. C'est ce qui me fâche. Oui. Je fais ça gratuitement. Quand tu tapes pas vite comme moi, j'avais ça fâché. Prend 2 heures et quart. Ben non, je sais bien. Mais j'espère, en revanche, que vous serez plus volubile pour les auditeurs qui vous écrivent des questions. Ah, c'est le beau lien, sûr. Ça. Voilà, bien trouvez-vous. Sûr. On est payé pour ça, faire des mails, Jean-Philippe, comme je le disais hier. Un courriel qui nous vient de Sabrina Orlova Forester et qui va comme suit. Petite question légère. Que pensez-vous de ce qui se passe en Ukraine présentement, considérant que vous êtes à moitié ukrainienne? Je ne suis pas à moitié ukrainienne, mais je suis d'origine ukrainienne de mes grands-parents. Ah, ben c'est un quart, ça. Hein? Pardon? C'est un quart. C'est un quart, oui. Ouais. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est plus que moi. Moi, je ne sais pas. Moi, ma famille est d'origine juive, et le sort des Juifs en Ukraine n'a pas été jojo. Alors, je suis perplexe. Je suis un peu perplexe, mais évidemment, j'aimerais bien que les Russes retournent chez eux. C'est dit, alors j'espère que Vladimir écoute. Oui. Bon. Hey, tu es capable d'avoir quelque chose à dire. Un autre courriel qui nous vient de Cyril Richard. Bonjour, Macha. Savez-vous à quel point je vous aime? C'est ça la question. Mais non, je ne savais pas. C'est donc bien gentil. Alors, Cyril Richard vous aime beaucoup, tout comme nous d'ailleurs, Macha. C'est bien gentil. Ouais. Et une dernière question qui nous vient de Laurent Poulain. Allô, Macha, où est la balado-diffusion de l'émission d'hier? C'était sur C'est vraiment la question sous votre photo. Où elle est? Ouais. Oui. Essayez une réponse. Non, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas hier. C'est pour ça que nos auditeurs n'étaient pas contents. Parce qu'il y a des gens qui posent la question route, à vous-même. Ouais. Mais là. Ça serait quoi la réponse? Je ne sais pas, en fait. On ne sait pas. Elle est en ligne. Elle est en ligne. Elle est dans la malle. Elle est dans la malle. Tout va bien. C'est passé par des fils que je. Oui, vous comme les voyez. Comme ça, oui, je les vois. Parfait. C'est de là, ben oui. Jusque-là, jusque dans une machine. Ben mon Dieu, c'est beaucoup plus voilà. fun de vous recevoir ben voilà. qu'Élise Guilbeault, je vous le dis, moi. Mais, merci beaucoup d'être du nous voir. Ça m'a fait vraiment plaisir. On écoute, on regarde Nouvelle Adresse à Radio-Canada. Ça commence quand? Ça commence lundi, lundi soir. Lundi, bon, regarde ça lundi. Pour pire, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Non, le 8, ça commence le 8. Ah, ça commence le 8. Oui, oui, ça commence bon, le 8. Bon, écoute ça. Merci beaucoup, Macha. Et puis nous, ben, on se retrouve après les nouvelles. On a Marc-André Lucier et Anne-Marie Wilianczyk qui vont venir. Oh! Hey, à tantôt, hein. De la soirée est encore jeune en ce dimanche 31 août 2014. Déjà. Enfin. C'est la fin du mois d'août, c'est la fin de l'été, on est tous déprimés. Olivier, rappelez-nous la question du jour et je sais qu'il y a beaucoup de réponses et c'est très intéressant. Hein? Oui, mais juste avant, on a une question de Marie-Ève. Est-ce qu'on peut voir la photo de la zouine à l'air de Jean-Philippe? Mais on lit pas ces courriels-là en ondes. Oh, pardon. Olivier, c'est façon, ça rentre pas sur une photo, ça rentre sur une diapositive. Pas besoin de la mettre dans la machine. Moi, c'est grandeur poster, Fred. OK, allez-y. La question du jour était, malgré c'est tellement que fantin, les rumeurs... Ces affaires de bisounes, là. Excuse-moi, Olivier. Malgré le fait que les rumeurs d'expansion de la LNH à Las Vegas, Toronto, Seattle et Québec soient absolument non fondées, avez-vous une opinion là-dessus? Alors, on a des réponses d'abord de Gabi L. Despins qui dit « Pourquoi on perd du temps avec ça alors qu'on devrait parler de Canadien? » Ah, là, ah ben ça, c'est d'accord vrai, avec ça. Ça, ouais. C'est vrai. Comment il va, Canadien? Il est en vacances. OK. On a aussi Jacques Demers, probablement pas le Jacques Demers, qui dit... Ben, c'est peut-être un Jacques Demers, là. C'est je veux un dire, Jacques Demers. Il a le droit. L'expansion de la LNH, c'est l'expansion de l'abrutissement d'un peuple qui la réclame. Souhaitons qu'elle demeure aux États-Unis. Ils sont bien partis. Fâché. Aïe, aïe. On a J.M. Labbé aussi qui oui. dit « Je suis prêt à mettre un disque. Las Vegas n'aura pas d'équipe. » C'est une petite chose de gambling. Ah, mais choisissez les meilleurs quand même. Hein? Oui, oui. OK, merci, Olivier. On vous rappelle de nous envoyer la circulation. Fred est en train de colliger ça. Et oui, franchement, j'en ai. Il y a surprenamment beaucoup de voitures au Québec. Et au Canada, surtout. Jean-Sébastien? Évidemment, si vous avez des questions pour Anne-Marie Wedensha, vous pouvez nous... Comment tu nous Anne-Marie Wedensha. Alors, vous pouvez nous les envoyer sur Facebook, Twitter, Instagram. Oh, yeah! On les attend. Ah, OK, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et j'allais poser d'autres choses. Est-ce que vous allez avoir votre blague de la semaine, cette semaine, Jean-Sébastien? Ah, on ne sait pas. Il y a toujours une alarme. Ben, c'est de ça, façon, hein? Un peu nous aviser qu'il va y avoir une blague. Ça fonctionne bien, la blague? Ah, mais mon Dieu, on a vraiment des demandes c'est vrai? Pour rire. Et honnêtement... Mais les gens ont besoin de rire. Mais c'est ça. C'est hein? tellement agréable de rire. C'est ça. Merci, Fred. Hey, on a un chroniqueur qui ouvre l'heure avec nous. Présentez-le, Fred, s'il vous plaît. On peut le lire dans la presse, mais nous, on préfère l'entendre nous parler du grand écran ici à l'émission. Voici la chronique de Marc-André Lucier! Marc-André wow. Lucier! Est-ce que vous vous êtes déjà fait applaudir comme ça, Marc? Pas comme ça, non. Soyez honnête. Habituellement, je me fais plutôt lancer des tomates. C'est ce que je me disais. Ben oui. Et là, non, mais j'en ai dans mon sac au cas où. Mais je pense qu'il n'y a pas de cinéaste dans la salle, peut-être, je ne sais pas. Mais tout le monde est un cinéaste avec les téléphones maintenant, Marc-André, vous le savez. Hein? Vous offensez beaucoup de gens. Marc-André, qu'est-ce que vous allez venir faire ici à l'émission? Je n'en ai aucune idée. Ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Jean-Philippe, vous m'avez invité. Je pense que je suis ici pour faire un petit peu votre éducation cinématographique. Parce que les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, et même des fois où j'étais pas là, vous avez parlé dans mon dos. Oui, non, mais c'était dans votre face le plus possible. Oui, mais c'est arrivé dans mon dos aussi. Et puis, je pense que souvent, on n'est comme pas d'accord, on n'aime pas les mêmes films, et puis je pense que vous vous posez des questions. Mais c'est parce que le gros problème avec vous, Marc-André, je vais vous le dire, hein, bon, parce qu'il y en a un très gros. On est à Radio-Canada, on se vous voit. Hein. Ah oui, oui. oui, ah oui, bon, oui, tout à fait. Mais dans les insultes aussi, c'est plus poli de se vous voyer. Alors, votre problème à vous, Marc-André, oui, c'est quoi mon problème, là? Vous aimez les films plates. Tiens donc! Et c'est comme ça, quand même. Quand je lis une critique de Marc-André, je me dis, quand il y a 4 étoiles, honnêtement, ça doit pas être bon. Mm. Et la plupart du temps, j'ai raison. Et je me demande, qu'est-ce qui vous fait aimer tant que ça les films plates? Et qui vous donne raison, Jean-Philippe? Moi-même. Ah bon, d'accord. C'est donc, c'est comme dans la première partie, vous êtes toujours juge et parti. Exactement. C'est vous réglez votre vie comme ça. Hein? Exactement. Ça? Ah bon? Non, mais c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait une tendance chez vous. Vous aimez les films de Michael Haneke. Vous aimez Je suis pas le seul. Michael Haneke. On dit, c'est un... Oui, pardon. C'est un cinéaste autrichien, Jean-Philippe. Ah, d'accord, d'accord. Mais voilà, d'accord. Enfin. Alors, Michael Haneke, qui a fait qui a fait des films formidables, ouais, comme Amour, par exemple, ou La pianiste, et puis Le ruban blanc. Mm-hmm. Et il a aussi fait un film en 2005 qui a pour titre Caché. Et ça date de 2005, et je reçois encore des courriels sur ce film-là, parce que Michael Haneke... il ne met pas toujours un dénouement à ses films. Hey, ça frustre beaucoup de gens. C'est très niaiseux, ça. Et là, la dernière scène de Caché, c'est qu'elle devait renfermer l'énigme du film, et puis c'est un plan large, et donc les gens cherchent, ne trouvent pas, et ça les frustre beaucoup. Et ce qu'on fait dans ce temps-là, ben, on envoie un courriel enflammé, puis on engueule le journaliste. Et avec raison. Et d'ailleurs, Jean-Philippe, vous n'avez dupé personne hein, à la presse, là, parce que je sais que vous écrivez pas seulement. Il n'y a pas seulement moi qui suscite un petit peu votre votre haine. Mais vous savez, pseudonyme là. Ouais. Vous auriez pu vous forcer un peu. C'est-à-dire? Ben, tu sais, le prince du bon goût capillaire, là, c'est parce que on vous reconnaît assez facilement. Mais c'est pas moi qui il y a Jean-Philippe Gauthier aussi, des fois, il envoie des pseudos. Non, mais toujours est-il que la première interaction qu'on a eue ensemble, vraiment sur un film, et ça, je pense que ça va être la première discussion qu'on va avoir ici avec vous, et après ça, on en aura plusieurs quand vous allez venir nous présenter des nouveaux films qu'on va tous haïr. mais le film que j'ai détesté particulièrement et qui nous a permis vraiment de lier cette amitié, c'est La vie d'Adèle. Ah, pas encore! Une merde sans nom de 3 heures. Et, non, mais ce qui m'a accroché, en fait, Marc-André, c'est que quand je suis sorti de ce film-là, avec... Là, on parle d'un film d'Abdelatif Kechiche. Un autre autrichien, j'imagine? Non, un français. Ah, mon Dieu. Qui a réalisé notamment L'Esquive, La Grenée de Mulet, et puis... Ah oui, un long, long, long film, La Grenée de Mulet, d'ailleurs. Donc, on reçoit aussi des courriels sur celui-là. C'est vrai? Encore. Mais justement, vous, vos films pas de punch. Alors, La vie d'Adèle, lorsque je l'avais vu, je suis sorti du cinéma en me disant, mon Dieu, c'était donc bien plate. Et quelques semaines plus tard, Marc Cassivi et vous-même l'avez déclaré film de l'année. Et là, je me suis dit, attendez un peu. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, je vous donne une grosse minute pour me convaincre que La vie d'Adèle, c'est un bon film. Ben, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, juste vous dire, La vie d'Adèle, c'est un film pornographique de 3 heures qui se termine avec pas de fin, en fait. Et là, on se demande pourquoi on est allé voir un film de tout nu. Ben oui, mais ça m'étonne, vous qui aimez tant le tout nu. Ben oui, c'est ça. Je trouve que ça manque de cohérence un petit peu. Oui, mais il y a des limites entre tout nu et tout nu, honnêtement. Bon, alors allez-y, convainquez-moi sur La vie d'Adèle. Écoutez, Marc Cassivi et moi-même n'étions pas les premiers à encenser ce film-là. Je sais bien. Et bien avant que vous le voyiez en salle, il y a un jury qui avait décidé au Festival de Cannes que c'était la Palme d'Or, qui avait décidé ça à l'unanimité. Mm-hmm. Et qui était le président du jury cette année-là? Un dénommé Steven Spielberg. Ben là, E.T. Steven Spielberg de E.T., ça vous dit quelque chose? Ben oui. Indiana Jones. C'est pas si bon, là. Ben, avez-vous aimé ça? Ben, correct. Mais en même temps, je veux dire, attendez un peu, là. Mais c'est pas parce que Steven Spielberg a aimé La vie d'Adèle que c'est bon. C'est quoi les qualités de La vie d'Adèle? C'est une... si on parle de sérieusement 2 minutes, là... Ben là, j'espère. La vie d'Adèle, c'est une mise en scène extraordinaire et c'est une façon de recréer la vie sur grand écran. C'est encore plus vrai que la vie. Et c'est une façon de recréer des émotions qui sont tellement vraies et qui nous viennent nous chercher de l'intérieur. Moi, ça a été un film qui m'a bouleversé. Mais encore faut-il avoir un cœur pour le sentir. Les gens applaudissent, quelle honte. Jean-Sébastien, je sais que vous l'avez vu, vous, La vie d'Adèle. Oui, moi, je veux me dissocier de vos propos de façon générale, parce que j'ai pas le même rapport au cinéma que vous. J'ai détesté La vie d'Adèle. Bon, j'avais le droit, mais voilà. J'avais le droit. Profondément détesté, comme j'avais pas aimé La Graine et le Mulet. Je suis sorti en plein milieu du film. Je comprenais qu'il fallait aimer ce film-là. Ben, c'est mais ça, exactement. On va débattre avec vous pendant l'année. Mais pour le reste, je suis pas d'accord avec Jean-Philippe. Bon, ben d'accord, au moins. Mais votre rapport au cinéma, là. Mais j'ai détesté La vie d'Adèle. Mais j'aime les bons films. Ah, vous aimez les bons films, quand même? Oui. Bon, d'accord. Ah oui? Bon, justement, qu'est-ce que vous aimez, Jean-Philippe? Tiens. Un bon film pour vous, c'est quoi? Deux hommes en or. Il y avait du tout nu là-dedans aussi. Là. Oh, arrêtez. Non, non, mais j'aime beaucoup de films. Moi, j'ai beaucoup aimé. Allez-y. C'est niaiseux. Qu'est-ce que j'ai aimé récemment, là? Ouais. Y a ma copine dans la salle. Qu'est-ce qu'on est allé voir qu'on a aimé? Ah, The Lion King! The Lion King! Mais non, mais ça, c'est la comédie musicale. La comédie musicale. C'est pas un film, ça. Ben vrai, ça donne une idée, là. Non, non, mais c'est parce que le film date seulement de 1994. C'est ça. Mais bon. Je l'écoute encore et c'est très, très bon. J'ai beaucoup aimé la trilogie de Batman. Bon. Mais la critique aussi, en sens... Comment? Ouais, Space Station 78, mais ça, c'est pas une super bon, un super bon exemple. C'est un film du festival. C'est pas, c'est, et c'est passé en salle, ça? Non, c'est ça, la fin. C'est série B, et je vais y aller avec série C. Non, parce que j'aime plusieurs films, Marc-André Luchier. Bon, franchement, ben, l'oreille, voyons donc. Ben oui, mais nommez-en. Ben, je suis capable de vous dire que j'ai adoré The Grand Budapest Hotel. Ah, bon, c'est bien. Hein? Oui, qui tout n'a pas aimé ça? Qui n'a pas aimé ben ça? Ben là, franchement, c'est, non, c'est excellent, pour vrai. Bon, il y a ça, et puis il y a d'autres films. C'est tellement consensuel, c'est affligeant. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film-là, Jean-Philippe? Ouais. Pourquoi vous avez aimé ce film-là? Ben moi, j'aime beaucoup... je vous haïs. Et vous êtes... Ouais. Mais j'aime beaucoup l'œil de Wes Anderson. Ben oui. J'aime vraiment... D'ailleurs, c'est lui qui aurait dû faire Tintin au lieu de Steven Spielberg. Oui, ouais. C'est vrai. Comment, Jean-Philippe, vous inscrivez ce film-là dans sa cinématographie de façon générale? Alors, on va présenter notre deuxième invité. On va recevoir Anne-Marie Wittenchamp, hein, Fred, allez-y. Ben oui, on pourrait l'avoir cet automne à la barre de son émission de cuisine à couteau tiré sur la chaîne Casa. Accueillons Anne-Marie Wittenchamp! Anne-Marie, ben, merci Marc-André, hein. Vous allez rester Dans l'émission quand même. Ben oui. Hein? Vous allez me réinviter? Ben c'est sûr et certain. Ben, j'imagine que toute la gang va vous réinviter. Ben c'est sûr. C'est une fois qu'on peut parler de cinéma dans cette émission-là. Anne-Marie, bonsoir. Hey, allô. Comment ça va? Ben ça va très bien. On va préciser un truc tout de suite. On vous voit Radio-Canada, mais là, je vous connais depuis trop longtemps, fait qu'on va se tutoyer. J'allais dire. Moi, je vous trouve drôle, surtout, de vous voyez entre mais vous quatre. Mais dans la vraie vie, on se voit. Je les connais à peine, ces gars-là, honnêtement. Mais tantôt, on parlait là, de nos micros qu'il faut tenir. Là. Ouais. Oui. Mais Olivier, il parle jamais. Pourquoi il me donne pas son pied de micro? Bon point! Parce que faut que je tweet en même temps, je peux pas tenir mon micro. Ah. Ah. C'est dur de faire deux choses en même temps, Olivier. On a l'impression de participer à une vieille télé française aussi. Hein. Il y a quelque chose des quand même. Des années 90, hein? Ouais. Non? Oui, à peu près. Mais c'était le fun en ce temps-là. C'est sympathique. Avouez, hein? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez en télé, vous, Marc-André? Non, excusez-moi. Ah! Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous aimez en télé? Plein de choses. Comme toi. Non, mais... Bon, on a une entrevue avec Anne-Marie, donc on ne fera pas comme non, Christiane Charest, on va y parler 30 secondes. Hey, non, mais respect, Christiane! Mais non, mais on l'aime, on la reçoit la semaine prochaine, ben voyons donc. Excellent. Hey. Mais tu le diras. Anne-Marie, c'est un gros automne. C'est un gros automne. Un gros automne de bouffe aussi. Oui. Parce que là, je vois que dans l'actualité d'Anne-Marie Wittenchamp, il y a À couteau tiré qui a commencé la semaine dernière. Oui. Les jeudis à la chaîne Casa. Bon, ça, c'est quoi Casa? C'est une chaîne spécialisée qui... En maison? Pardon? En maison? Qui a des émissions de ce qu'on appelle la catégorie un peu style de vie. Ben, comme dans la presse. Style de vie. À la presse style plus, de vie. Le... C'est comme réno, bouffe, voilà. Voilà, style de vie, bouffe, réno, tout ce que tu veux. Ça, c'est les jeudis, c'est avec ton ami Chuck. Oui, Chuck Hughes. Et tu vas recommencer, c'est juste la TV très bientôt. C'est ça. Les vendredis à 21h sur RTV. Oui. À la même heure que Deux hommes en or entre Québec. Hey, ça, là, écoute, c'est un choix déchirant pour ma mère Raymond. Oui, ben, et pour ma mère Monique aussi. Hein, mais je vais t'avouer quand même que Monique écoute Deux hommes en or et va réécouter C'est juste la TV en reprise. Et c'est bien correct. C'est la même chose. Ouais, ouais. Ma mère choisit mon émission et après, elle écoute la tienne. Mon Dieu, qu'on est auto-référentiel ici. Ben oui, on va faire un bout, moi. À la radio 92.5 le dimanche aussi. C'est oui, à 925 The Beat. Ouais, nous autres, on le dit en français. 92.5. Ouais, 92.5, c'est permanent. Ouais. Et surtout, sur W Network. Ouais. Ça commence en octobre, Pressure Cooker. Le 7 octobre. Comment... C'est une autre émission de manger. Oui, c'est une compétition culinaire. Et là, évidemment, avec le guide Resto Voir, comment ça se fait que tu es tombé dans le manger après avoir interviewé tant de vedettes d'Hollywood? C'est très drôle. Mais veux-tu vraiment la version longue? Ah, ben écoute, on a 7 minutes, fait qu'on voit l'heure colosse. Au début des années 2000, j'animais, je travaillais à Flash, en fait. J'animais pas Flash, mais j'animais Flash l'été. Ah oui, sur le c'est-tu le grand écran 3D là, que Flash non, avait fait? Non, ça, c'était avant. On screen. Était dehors, on était comme en direct des événements. C'était bien bizarre. Bref, mais l'été, je co-animais aussi une émission matinale à TQS qui s'appelait Caféine. Et quand je revenais de Caféine, j'avais comme juste mangé des toasts au Nutella et des céréales pendant 5 heures. Et je regardais, pour m'endormir, les émissions culinaires. Mais par la bande, j'ai appris à cuisiner et vraiment développé une genre de passion folle pour les émissions culinaires. S'ensuit ensuite un déménagement dans le Vieux-Montréal où j'ai rencontré mon ami Chuck Hughes qui venait d'ouvrir un resto qui s'appelait Le Garde-Manger. Et je lui ai dit, ça n'a pas de bon sens que tu ne fasses pas de télévision. Tu es un personnage télévisuel avec plusieurs autres personnes, dont mon père, entre autres. On a créé une émission qui s'appelle Chuck's Day Off, une émission de cuisine qu'il a animée. Qui a fait école aussi. Ouais, oui, qui a fait école au Québec et au Canada pour les autres émissions de cuisine qui ont suivi. Ben merci. Mais non, mais c'est vrai quand même. C'était une des premières. Après la première saison, les gens qui produisaient Guide Resto Voir m'ont dit « Hey, ça te tenterait-tu de l'animer? T'as l'air de donc bien aimer ça, la bouffe. » Puis en plus, t'aimes manger aussi de la bouffe, ça donne bien. Au début, vous n'êtes pas endormi en le faisant, puisque vous vous endormissiez en écoutant Endormissiez? Non, non, je ne m'endormais pas, c'est ça. C'était conditionnel. Ça se dit-tu Ben oui. Ah oui. Ça sonne mal. Mais non, et on a fait presque 125 épisodes de Guide Resto Voir. D'ailleurs, tu as eu le temps de venir deux fois. Ouais, c'est pour vous dire comme on est rendu loin, là. Et on a j'ai vraiment beaucoup mangé pendant six saisons. Et ensuite, donc, ça a comme déboulé. Je suis comme tombée dans la bouffe. Je ne suis pas une chef. Je cuisine comme une amateur, mais j'aime vraiment ça. Et j'ai la prétention de dire, comme Benoît Roberge, que je suis peut-être une super taster. Comme, mon Dieu, quand on prétend quelque chose comme Benoît Roberge, honnêtement, ça peut s'arrêter vite. La saison de CJ de la TV commence très bientôt et je me rappelle de t'avoir entendu dire que pour te préparer à CJ de la TV, t'écoutes entre 15 et 20 heures de télé semaine. C'est vrai. Est-ce que c'est encore vrai? Ben, c'est pas l'été, par exemple. Non, ben là, j'espère bien. Mais... Non, non, vraiment, l'été, je prends un break de télévision. J'écoute presque rien. Je mets des trucs sur mon enregistreur numérique. Puis C'est le fun, j'avais un show. Ben, je sais bien, c'est ça qui était écœurant. Hein? Avec Marc Cassini. Ben oui. Je le sais, les deux marques, en plus, je les aime tellement, mon ex-collègue. C'est notre dernière demain, je peux te reprendre. OK, ben c'est parfait. Bon. Mais c'est vraiment pas parce que je vous aime pas. Mais je peux pas. Tu peux pas consommer tant de télé à l'année. C'est comme bouffer. L'été, je mange des sandwichs au concombre. Je peux pas, là, si je mange... toute la journée à Guide Resto Voir, je ne peux pas non plus devenir une super taster et une super sizer. Tu sais? Ouais. Super sizer, ah oui, ben oui. Mais est-ce que ça t'est arrivé d'engraisser quand t'as... Ah oui, non, mais après chaque saison de Guide Resto Voir, là, c'était genre 10 livres, 11 livres de plus. C'est sûr! As-tu vu comment on mange? Moi, je suis déjà allé une fois, puis je vais vous dire une chose, j'ai eu mal tu au cœur. Tu t'es fait vomir après? Oui, tout à fait, parce que tu manges 3 repas en 3 heures. Alors que c'est supposé être pendant la journée, et c'est complètement faux. Wow, ça prend comme 15 heures tourner un épisode de Guide Resto Voir. Ah, ben, je me suis fait vomir en deux, moi. Quelqu'un qui écoute la télé écoute vraiment n'importe quelle télé. J'ai vu que ton plaisir coupable, c'était toutes les versions, les variations de la prochaine Top Modèle. Ça, c'est un genre de télé-réalité. En fait, c'est une des versions des 8 télé-réalités qui existent dans le monde, des 800 télé-réalités qui existent dans le monde. Pourquoi on tripe tant que ça sur la télé-réalité, honnêtement? Je suis pas sûr que je tripe. Je sais qu'Olivier a toujours aimé un souper presque parfait. Oui, aussi 2,81, les dieux de la santé. J'adorais ça. J'ai très, très hâte de voir cette émission. Ben, Jean-Sébastien l'a vu pour vrai. Oui, oui. Ben, je l'ai pas vu. Ouais, mais puis c'est-tu bon? Ben, moi, ça m'a extrêmement déçu. Là. Ah ouais. On a parlé hier. Là. On l'a vu ce documentaire-là plein de fois. OK, mais pourquoi on tripe tant sur la télé-réalité? Ouais. Ben, parce qu'il y a du drame humain, parce qu'on veut croire que c'est vrai. C'est ça. Moi, Top Model, c'est plus mon... Pas Top Model, mais la prochaine Top Model, c'est plus mon plaisir coupable. Ah, je suis désolé. Moi, c'est même pas un plaisir coupable, c'est un plaisir assumé. J'aime de toutes mes forces, là, de tout mon être, chaque cellule en moi adore toutes les sœurs Kardashian. Je les aime, là! Dites-moi pas qu'il n'y a pas une personne dans la salle qui aime toutes les sœurs Kardashian. Tout le monde me regarde. J'espère que non. Ah non. Je les aime. Ce soir, d'ailleurs, 21h, ça va être la finale. J'ai hâte. Pour vrai? Mais parce la finale que... de quoi? On s'en débarrasse après? Ah oui, on en tue une des deux? Non. Non, non, non. Mais là, il y a quelques semaines, j'ai pu réaliser un de mes fantasmes. Vous savez, à l'émission Prochaine Top Model, il y a toujours quelqu'un qui dit comme Jean-Philippe, Fred... un de vous devra quitter l'émission. Mais ça, on va peut-être faire ça éventuellement. Et à Pressure Cooker, qui est une compétition culinaire, j'ai joué ce rôle. La matrone qui dit, Jean-Philippe, tu devras quitter la cuisine. C'est vraiment le fun. Ah oui, ça c'est celle qui arrive dans le show, puis là, tout le monde dit, oh non, pas elle. Parce que c'est des mauvaises nouvelles que t'apportes, c'est ça l'histoire. Mais non, j'apporte des bonnes nouvelles à la personne qui reste en cuisine. Ah, oui, ben tu peux voir ça comme ça. Ouais. Justement, t'animes en français et en anglais, à la radio, donc, toutes les semaines. C'est quoi la grosse différence entre animer en anglais, mais en tout cas, quand on est au Québec et au Canada, là? C'est comme une différence de ton. C'est pas une différence, c'est tout est dans la culture. Je pense que tu adoptes une autre personnalité. Il y a des gens qui me disaient, hey, je t'écoute en anglais, puis c'est vraiment pas la même personne. Mais c'est que tu développes un espèce de filtre culturel. Les nouvelles dont tu parles ont rapport avec le public auquel tu t'adresses. En anglais, moi, ce que je fais, c'est très, très pop. Et c'est tout ce qui a rapport à la culture du celebrity entertainment, si tu veux vraiment, là, tout ce qui est très culture pop. Et la différence, c'est qu'en anglais, je pense qu'il y a peut-être un peu plus une création de personnages. On n'a pas... la démesure est bienvenue. Alors qu'en français... C'est seulement si... accepté chez Éric Salvaille. Même pas! Éric Salvaille n'anime pas à la radio en disant « Hey, salut! C'est samedi matin! » Ça fait vieille radio. Ouais. En anglais, c'est nécessaire. Il fait à la télé, par exemple. Comment? Pardon? Il est un peu comme ça à la télé, quand même. Oui, peut-être, ouais. Peut-être, effectivement. Mais en anglais aussi, je pense que tout ce qui est langage... cool, un peu... Le langage slang est accepté, c'est cool. En français, c'est mal éduqué, c'est inculte un peu. Oui. Fait qu'il y a vraiment une différence de ton, surtout au Québec, je pense. Mais c'est vraiment le fun parce qu'en anglais, les animateurs radio, c'est leur profession. Être animateur de radio, et ils prennent ça énormément au sérieux. En français, on à la radio... On s'en sac bien raide, honnêtement. Non, mais à la radio populaire, dans les C'est quoi, dans l'énergie, tout ça, c'est beaucoup... C'est des animateurs de télé. Ouais. Ce sont des humoristes. Alors qu'en anglais, ces gens-là, c'est leur gang-pain 24/7, 365 jours par année. Et ils respectent ça vraiment beaucoup. Et il y a une précision dans leur façon d'animer que j'admire beaucoup. C'est vrai qu'on est un peu lousse et j'en suis... Le premier concerné. Oui. Mais d'ailleurs, il y a un bouton de trop qui est détaché. Oups, ouais, c'est ma chemise, excusez-moi. J'aime tellement ça, la floune à l'air, oui. Ben, c'est ça. C'est... Je crois qu'on disait la zouine. Ben, la zouine à l'air. Tant que c'est à l'air. C'est un pro tout nu. Voyons donc, Marc-André, là, on ne vous réinvitera plus pour vrai. Juste avant de se quitter, Anne-Marie, parle-nous un peu de couteau tiré. Oui! Parce que, on l'a mentionné au début, là, mais on ne sait même pas c'est quoi. C'est tellement le fun. L'avez-vous écouté? Vous ne l'avez pas écouté? Moi, j'ai assisté à Non, non, non, désolé. Non, mais je fais de la radio, moi, je fais juste de la radio. Je me concentre là-dessus. Vraiment, là. C'est... Mais à Casa, c'est dur. C'est une compétition culinaire, mais justement, un genre d'anti-compétition culinaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis... de drame dans l'émission. On n'a pas mis de gros enjeux. Ce sont des chefs professionnels, ce n'est pas des amateurs. Tout ce qui est en jeu, c'est leur réputation. Mais quand tu es un chef, et on le sait, les chefs ont des énormes égos, c'est vraiment important. Ça se passe au resto de Chuck, le garde-manger. En 60 minutes, on leur donne 3 ingrédients secrets. Ils ont à se battre dans une minuscule cuisine qui mesure à peu près, je ne sais pas, comme 4 mètres par 3 c'est mètres. C'est vraiment petit, ouais. Il fait vraiment chaud. Il y a un public de 60 personnes. Jamais Un format vraiment trippant qui provient des États-Unis. C'est Drew Barrymore qui a inventé ça, qui s'appelle... Le format s'appelle Knife Fight. Et c'est vraiment... on sac, il fait chaud, les chefs se versent de la tequila sur la tête. All c'est right. vraiment le fun! Ben écoute, est-ce que tu vas en parler à C'est juste la TV? Je le sais. Moi, c'est pas moi qui décide ça. Non. Si mardi matin, lors de notre premier meeting de production, les gens me disent « on a bien haï ça » ou « on a bien aimé ça », on va en parler, j'ai pas le choix. C'est comme ça, mais ça s'est souvent produit à C'est juste la TV qu'on critique les émissions des autres panélistes. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on reste un peu... crédible. Crédible, peut-être. Merci de le dire, mais je le dirai pas. Tant que Grégory Charles n'est pas là, de toute façon, on va bien se passer. Moi, là, on a-tu fait tout un plat avec ça? J'étais même drôle. Pas là cette journée-là. J'étais en congé de maternité. Ben, t'avais juste j'aurais pas tellement aimé non, mais on, mais on a de la misère au Québec quand ça s'affronte directement comme ça, puis c'est pas lisse. Puis, parce que ça a fait un bon moment de télé. Vraiment beaucoup. Oui. Hey, en passant, je veux pas vous couper, là, mais c'est parce qu'il faut aller à la météo. T'as genre plus de temps. Ben là... La météo. je me disais qu'au moins, si on lançait ça. Merci, Anne-Marie. Hey, hein. C'est cool, mais j'ai vraiment aimé le moment de bonheur qu'a vécu M. Girard. Ben oui. Mais il chante tellement bien. Ferme ses yeux. Je suis tellement dedans. OK, mais avec tout ça, il y a de la météo. Ah oui, allez, excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais on est émission de service. Attendez, je vais juste rafraîchir mon écran parce que je suis un météorologue. Alors, c'est moyen aujourd'hui au Canada, côté météo. Ah, c'est ouais, beaucoup ensoleillé, nuageux. Il y a de la pluie à Whitehorse. C'est la météo, 10 degrés, Whitehorse, ouais, la pluie. École 8, 9. Tantôt, j'aurais voulu féliciter les gens d'Edmonton qui avaient soleil seulement, pas de nuages. Mais là, les nuages sont arrivés. Alors, bouh aux gens d'Edmonton, 18 degrés. J'ai additionné toutes les températures au Canada et j'ai fait une racine carrée, ça me donne 19. Ah! Alors, je pense que ça nous donne une bonne idée. On avait demandé aux gens également de nous envoyer s'il y avait des embouteillages, ouais, la circulation. Il y a Larry Landry qui nous dit que sur la route... Ben là, ça date quand même du début de l'émission. Sur la route 11, entre Dalhousie et Campbellton, quelques voitures, mais cela n'entraîne aucun retard. Alors... Merci. Il y a Marc Beaulé qui confirme qu'en raison de la pluie des dernières heures et du fait que les champs sont détrempés, il n'y a aucune circulation de tracteurs et de moissonneuses-batteuses sur le rang des petits 30 à Saint-Jean-Baptiste. Et je pense que c'est Saint-Jean-Baptiste de Rouville, ça, le rang des petits 30. Petit bouchon de circulation sur l'autoroute 93 au sud de Jasper, proche du pont des Miettes. Quelques wapitis traversent la route. Plusieurs véhicules se stationnent, dont un autobus de Japonais. Les gens sont hors de leur voiture et prennent des photos. Il y a Manuel Gendron également qui nous dit que la circulation est fluide sur la route 158 entre Saint-Jérôme et La Chute. Wow! Et Luc de Québec, qui nous a écrit hier. T'sais, vous savez, le malade qui a fait son stop hier en face de chez c'est nous est long, encore hein? Là, il n'est pas reparti. Alors merci, Luc de Québec. Voilà. Vous savez, Fred, quand je fais un petit signe comme ça avec la main, ça veut dire... Moi, je regarde le chrono. Oui, donc je sais, mais je voulais vous dire d'arrêter de parler, ouais, mais c'est pas grave. Voilà. On a fait toute la circulation du Québec au complet. Oui. Ah, c'est le temps des anniversaires. c'est les anniversaires de la semaine, Jean-Sébastien. Beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, M. Jean Béliveau célèbre aujourd'hui son 83e anniversaire de naissance. Dieu. Le signe du zodiaque de Jean Béliveau est évidemment vierge. Son signe chinois est chèvre, puisque son année de naissance est 1931. Évidemment, pour les plus jeunes, Jean Béliveau, c'est un joueur de hockey. Jean-Sébastien. Hein? Joueur de hockey qui, ensuite, on se souvient, s'est lancé dans la décoration intérieure. Vous vous en souvenez probablement, Fred. Non. Il avait fondé son entreprise Jean Béliveau Maison. Oh. Ensuite, quoi? Je comprends pas. Jean Béliveau Maison. Décoration intérieure. Non, c'est pas niaiseux. Mais est-ce que c'était vrai? Merci. Ben non, c'est pas vrai. Ben pourquoi vous dites ça? Ben parce que c'est drôle, on est dans une émission d'humour innocent. Ben ouais. L'autre, maintenant. Ah! C'est l'anniversaire de Mme Anne Létourneau qui célèbre aujourd'hui son 56e anniversaire. Rita Toulouse. Oui, vous connaissez maintenant Rita Toulouse, Olivier Niquet, parce que vous avez vu. Elle adore les Singapour Sling. Oui, exactement. Ben, je vous remercie beaucoup. Hein. Ben, j'imagine que c'est fini. Ben non, je sais même que alors, pas fini. Alors, le signe astrologique de Anne Létourneau est aucun contrôle sur ton émission. Son signe chinois est chien, puisque son année de naissance est 1958. On se souviendra que c'est une petite chanteuse qui couchait avec Denis Drouin dans Parlez-nous d'amour de Jean-Claude Lard. C'est bon. OK, c'est vous formidable. Vous formidable film. Parlez-nous d'amour, oui, oui, absolument. On en parlera une semaine ensemble, monsieur. Vous avez joué dans le premier téléroman de TQS aussi? La Maison des Chaînes. Mais oui, la absolument. Maison des Chaînes. Oui, merci. Oui. Bon, mais justement, c'est formidable. C'est pour ça que je travaille, c'est juste la télé. Ça me fait penser que c'est le temps de notre quiz, là. Eh hey, bien, ça, c'est mon moment préféré de l'émission du dimanche où on peut jouer un petit quiz qui nous fait poser cette éternelle question quand on parle de notre bonne vieille télé. Coudon, es-tu morte ou vivante, elle? Oui. Ah! Alors, cette semaine, petite variation, j'ai trois questions. Deux questions à savoir si un acteur ou une actrice québécois sont morts ou vivants. Et la troisième question, je vous demande de trouver le nom d'une vieille télésérie québécoise en vous donnant le résumé de l'histoire. Tout le monde peut jouer sur le plateau et même les gens du public. Yeah. Criez pas trop fort, évidemment. Alors, on commence immédiatement. J'espère que vous êtes prêts. Là, ça va vraiment être le fun, là. OK? Le premier qui a la réponse, évidemment, le cri. Est-ce qu'on surveille nos buzzers? Il va y avoir trop de personnes pour faire des buzzers, OK? Parfait. Alors, on y va. La première personne. Mort ou vivant, Pierre Gobeil. Vivant! Moi, je dis vivant. Alors, il est décédé. Est-ce que vous savez c'est qui? Ben oui, Marc-André. J'étais pas sûr. Marc-André a toujours la bonne réponse après qu'on le donne. Ouais, la réponse. Ouais, c'est ça. Deux, trois fois. Alors, Pierre Gobeil qu'on a vu dans... qui battait Evelyne, je pense, dans Les Dames de cœur. Ah, c'est lui! Oui! Dieu, le beau moment de télé. Sauf erreur, il est mort pendant... Dans Le temps d'une paix. Non, encore mort. Non, dans Le temps d'une paix aussi. Et il y a eu deux morts durant le même été. Il y a eu, évidemment, Fardoche, qui est mort en même temps que le curé Pierre Dufresne. Pierre Dufresne. On a dû remplacer les deux, je pense, durant le même été. Il est né, non, il est quand même mort en 2006. Ah, oh. Ben c'est pas ça d'abord. Mais il y a un curé mort la même année que Fardoche, s'il y a quelqu'un qui peut nous indiquer. Le curé mort en même temps que Fardoche. Ah, allez, beau moment de télé. Alors, la meilleure pensée à M. le curé. La deuxième question. Oui. Mort ou vivant, Roger Lebel. Mort. Mort. C'est Marc-André qui a répondu en premier. Effectivement, oui. Roger Lebel est décédé en 1994 à 71 ans. Dans quoi jouait Roger Lebel? Oui, du tac au tac. La nuit et du tac au tac. Oui. On se souvient du tac au tac quand même. Oui. Dans Les Holos aussi, c'était le père. C'est... Pas dans Les Holos, dans le film avant de... Non, non, c'est Un jour la nuit. Un jour la nuit, c'est ça, oui. Voilà. Mon Dieu, quelle belle mémoire. Ah, ben, je suis ici pour faire ton éducation. Ben non, je sais. Alors, ça paraît pas, mais c'est 2-0 pour Marc-André en ce moment. Non, ça paraît. On compte les points dans cette affaire-là. Oui, à la fin de l'année, on donne des prix. Hey, alors, je peux-tu avoir un point pour Anne Letourneau, La Maison des Chênes? Ouais, ça, oui, ça, je vais donner un point à Merci. Marie. Excellent. Alors, ça, c'est deux. Elle est à Toulouse. Elle avait une belle coupe au carré. Oui. Et la dernière question, OK? On cherche une série québécoise. Ouais. Alors, le synopsis. En 1947, plusieurs familles de Montréal passent l'été dans leur chalet. Boogie Woogie 47. Non! Wow! Oh! Avec, wow! Avec Marc Labrèche, oui, qui était jeune, wow! Je pense qu'il avait 17-18 ans. Et le Bilodeau qui jouait dans Dominique avec Dominique Michel, qui faisait son fils, comment il s'appelait? Dans Dominique. Vincent Bilodeau. Oui, Vincent Bilodeau, exactement. Alors, il était très jeune, il y avait à l'époque, voilà. Aussi. Boogie Woogie 47 et 48, et 48, oui, voilà. Parce qu'il y a eu deux années. Voilà. Ça raconte donc des familles de Montréal qui passent l'été dans leur chalet de Pointe-Calumet, un lieu de villégiature situé au cœur des terres agricoles. Les femmes y passent la semaine sans leur mari et observent la vie des paysans, des maraîchers et des commerçants de la région. Je ne peux pas croire que ça ait duré seulement deux saisons. Honnêtement, ça s'est terminé de façon assez brusque. J'ai failli répondre le grand remous d'une des sœurs Ridaise. Ah oui? Cita? Ça aurait pas été... Cita Ridaise, Mia Ridaise, les sœurs, oui. Ça aurait pas été une bonne réponse. Terre humaine, rue des Pignons. Bon, mais ça paraît pas, mais c'est Marc-André qui a gagné cette semaine. Bravo, Marc-André! Et c'est le moment d'en apprendre un peu avec l'histoire de Fred Savard. Histoire pour les Y. Avec le professeur Frédéric Savard. Hey boy! Alors, on veut encore une fois éduquer nos Y qui ne savent rien, on le sait. Alors, cette semaine, j'ai pensé à me coller à l'actualité, vous parler de la fabuleuse histoire de Tim Horton. Fabuleuse histoire, les amis. Qui a été avalée par Burger King. OK, avalée. Voilà. Fondée en 1964 par Tim Horton et Jim Charade. Ça, c'est les deux personnes qui ont fondé la chaîne. La Charade, qui est d'ailleurs un jeu de société extrêmement populaire dans les années 70. Vous vous rappelez certainement. Ça n'a aucun lien avec... Il s'agissait de... Oui, non, mais quand même, j'éduque. Il s'agissait de faire deviner à nos invités une expression ou un proverbe en te disant que les mêmes... Mes parents jouaient à ça continuellement, la charade. C'était très en vogue dans les soupers d'adultes. Oui, oui. Et ce jeu a été évidemment remplacé dans les années 80 par l'échangisme, où on utilisait que les mêmes... Donc, en 64, on fonde le premier restaurant Tim Horton à Hamilton, en Ontario. À l'époque, on n'y sert que des beignes. Alors, pour les Y, on le rappelle hein, quand même qu'en 64, Internet n'existait pas, mais on pouvait quand même faire des choses. Hein. Fonder des entreprises et porter des pantalons aux couleurs ridicules, exactement comme le font si bien les hipsters aujourd'hui. Alors, revenons un peu sur Tim Horton, ouais, qui est une vraie personne, née le 12 janvier 1930. A joué 24 ans dans la Ligue nationale de hockey. Ça a été une grande vedette pour les Maple Leafs de Toronto entre 1952 et 70. Donc, il a joué principalement où il y avait 6 équipes seulement. Et je sais que les Grecs, vous n'avez jamais connu une parade du Canadien qui a gagné la Coupe Stanley. C'est parce qu'il les gagnait dans le temps qu'il y avait 6 équipes. Il y avait 4 équipes qui faisaient les séries. Il y avait une chance sur 4. Alors, maintenant que plus d'équipes sont moins bons, alors peut-être que vous ne verrez jamais de parade de la Coupe Stanley, malgré que ce n'est pas grave. C'est des gars en bédaine qui boivent et qui pètent les vitres des Future Shop après. Alors, pendant que Tim Horton est encore actif comme hockeyeur, il se lance en affaires. Il exploite d'abord un petit boui-boui de hamburger et devient également concessionnaire des voitures de marque Studebaker. Moi, j'aime bien les voitures anciennes. Les Studebaker sont des voitures magnifiques. On se rappelle de deux modèles, la Gran Turismo, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo vulgaire du même nom, si populaire auprès des Y, et également l'Avanti, une voiture qui traverse encore aujourd'hui beaucoup mieux les âges qu'une vulgaire Yaris. De 64 à 67, les restaurants Tim Horton se multiplient, faisant de Tim un multimillionnaire. Il s'associe à un certain Ronald Joyce pour poursuivre l'expansion. Monsieur Joyce est un constable, un policier à la retraite de Hamilton. À une époque où c'était bien correct d'arrêter de travailler à 52 ans avec un fonds de pension à vie, les temps ont bien changé. On salue le ministre Moreau, d'ailleurs, ce soir. À la mort de Tim Horton, dans un accident de la route en 1974, M. George devient l'unique propriétaire, poursuit l'expansion très agressivement, à un point tel que le Canada devient le pays où il y a plus de points de vente de beignes par habitant au monde. Alors ça, c'est notre... C'est-tu vrai, ça? Oui, oui, oui. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est une, je trouve que c'est une belle métaphore du Canada, qui est un pays... un pays aux frontières bien sucrées avec un gros trou au milieu. En 1900... En 1900, 1992, il y a un franchisé de Tim Hortons de l'île du Prince-Édouard qui décide qu'il est aussi franchisé de tous les restaurants Wendy's. Vous connaissez la chaîne Wendy's? Ça, c'est pas les hamburgers carrés? Les hamburgers carrés. Puis des pâtes patates gratinées avec des tranches de bacon dedans. Oui, c'est ça. Il décide de fusionner les deux concepts et c'est la première fois qu'un Tim Hortons va s'associer à Wendy's. On appelle le président de Wendy's America. Il trippe sur le concept et Tim Hortons et Wendy's se fusionnent. Donc, c'était pas la première fois Burger King se fusionnait avec une grande chaîne. Et bon, là, je vous passe les détails. Tim Hortons est redevenu indépendant en 2009. Il y a eu toute une manipulation boursière. Évidemment, on a inscrit l'entreprise au Delaware. Comme un peu québécois. On parle pas de Tim Hortons, on parle de Burger King. Non, non, on parle de Tim Hortons. Ah oui? Oui, oui. En 2006, ils sont redevenus canadiens. Ah oui? Avec un siège social à Oakville, mais enregistré au Delaware, un endroit où on n'aime pas beaucoup payer d'impôts. Mais ça, c'est une autre histoire. À l'origine, les succursales sont concentrées en Ontario. On va attendre les années 90 pour arriver au Québec. Fait cocasse. Au début, Tim Hortons s'écrivait avec un S, apostrophe S, la dénomination anglophone, mais pour respecter la loi 101 en 1993, on a laissé tomber l'apostrophe S pour faire Tim Hortons partout au Canada. Et l'apostrophe, également, c'est aussi une émission littéraire de Bernard Pivot. Hein, les Grecs. Non, non, mais je veux que les Grecs le sachent. Bernard Pivot, c'est une émission phare qui jouait très tard la nuit et on a découvert énormément d'auteurs francophones. Et c'est aussi dans cette émission qu'on s'est rendu compte que Denise Bombardier pouvait être aussi insupportable en France qu'ici. Alors, à partir des années 90, Tim Hortons va faire les manchettes parce que les gastronomes s'insurgent, parce qu'on sait que le slogan de Tim Hortons, c'est toujours frais. Ouais. Eh bien, les bains vont arriver gelés dans les succursales. On ne les fera plus sur place. Ils vont être frits seulement dans les succursales. Et là, ça a vraiment fait les manchettes à l'époque. Ah oui. Et il y a eu un spin. On est obligé d'engager genre, des gens de relations publiques pour calmer. Parce qu'on disait, non, c'est pas frais pantoute. On se rappelle également, dans les années 90, qu'on a élargi le menu avec les fameux bols en pain, hein, on s'en rappelle, dans lesquels on pouvait déguster d'excellents potages à la fécule de maïs. mais c'était quand même très bon. Hein. Ainsi que les rebords déroulables et mangeables sur les tasses en carton. Alors voilà, Jean-Philippe, j'espère que l'histoire du succès de Tim Hortons inspirera les Grecs à cesser d'encourager le petits commerces et qui se joindront à la masse pour faire la file dans un team pour déguster un bon café filtre et un beignet à Schlang canadien. Et avec la fusion Burger King, ils pourront même manger un Whopper fiscalement canadien. Merci, Fred. Wow! J'ai manqué un peu de temps, mais j'avais plein de bons détails. Vous savez qu'il y a un Tim Hortons au zoo de Dublin. C'est vrai? Si vous allez au zoo, il y a un Tim Hortons là. À Dublin? Il paraît que les orangs-outans adorent les Timbits. Nature. Ça, c'est niaiseux, ça. C'est niaiseux, mais c'est vrai. Non, mais c'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Il y a un Tim en Afghanistan. Aussi. Ah, ouais. Il est fermé, celui-là, maintenant. Il est fermé. 2011, depuis que la paix est revenue là-bas. Merci, Fred. Hey, c'est le temps des sports. Ben hier, je vous prédisais que l'Impact allait perdre 3-0, mais finalement, ils ont gagné 2-0 grâce aux deux premiers buts de Nacho Piatti dans l'uniforme de l'équipe. On se rappelle pourquoi on le surnomme Nacho. Oui, parce qu'il mange des... Non, parce qu'il est tombé dans le fromage à nachos quand il était petit. du côté de la NFL, Michael Sam a été retranché du camp d'entraînement des Rams de Saint-Louis. Ça, c'est le premier joueur de football professionnel ouvertement gay. Et d'ailleurs, ESPN a présenté un reportage à son sujet. On écoute un extrait. But another Rams defensive player told me that, quote, Sam is respecting our space and that from his perspective, he seems to think that Michael Sam is waiting to kind of take a shower as not to make his teammates feel uncomfortable, while Langford and linebacker Alec Ogletree told me that they didn't know that specifically and also weren't tracking that. Bon, je traduis à peu près, là, un joueur a dit qu'il avait l'impression que Sam attendait pour prendre sa douche pour ne pas rendre ses coéquipiers inconfortables, et un autre joueur a dit que tout le monde s'en sac, finalement. En tout cas, j'ai hâte de voir si ESPN va aller lui demander s'il est allé pleurer en regardant des comédies musicales après qu'il a été retranché. ESPN s'est excusé d'avoir fait ce reportage, et moi, je m'excuse d'avoir fait une joke de comédie musicale. Mais il s'est blessé. Non, il ne passera pas sa saison, finalement. Non, ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé. Intéressant, hein? C'est les Alouettes qui ont les droits sur Sam ici, mais ça n'arrivera jamais. Non. En tout cas, il est agent libre. OK, bon, c'est correct. Sinon, Eugénie Bouchard l'a emporté hier non sans difficulté. Elle affrontera en quatrième ronde du US Open la Russe Ekaterina Makarova. Ça risque de ne pas être facile et comme je ne connais à peu près rien au tennis, j'aurais un petit conseil pour Eugénie, grogner un peu plus. On dit Eugénie. Eugénie. C'est qu'une étude de l'Université du Nebraska à Omaha qui vient de sortir intitulée « Grunting in Tennis Increase increases ball velocity but not oxygen cost, qu'on pourrait traduire par les gémissements au tennis améliorent la vélocité de la balle, mais on comprend pas trop pourquoi. Ah. Alors, ils ont fait des tests avec des joueurs et des joueuses de tennis qui frappaient une balle avec et sans couinement et sont arrivés à la conclusion que le pouls et la consommation d'oxygène étaient identiques dans les deux cas, mais que la vélocité de la balle était différente. Alors, en gémissant lors de la frappe, la balle était frappée à 4% plus fort. Hey. Gémir permet donc de frapper plus fort sans dépenser plus d'énergie. Là, je vois que Fred, vous prenez des notes. Là, votre épouse en sera fort aise. Non, mais j'ai remarqué, j'avais déjà remarqué qu'en gémissant, on était plus véloce. C'est ça, mais je pense que ça s'applique vraiment juste au tennis. Hein? En tout cas, ça n'a pas aidé Maria Chaparova. Oui, c'est ça. Bon, regarde. Qui a perdu cet après-midi. Elle n'a pas perdu. Elle l'a perdu. Oh, la belle Maria. Sinon, j'ai lu cette semaine que Jean Perron, l'ancien coach des Canadiens, et Georges Larac, ancien jambon des Canadiens, ont été approchés pour devenir entraîneurs des prédateurs du paradis fiscal de Laval dans la Ligue nord-américaine de hockey, qui est une ligue de boxe et de hockey. Et donc, on a beaucoup ri de Jean Perron et de ses péronistes, mais il y a même quelqu'un qui a écrit un livre avec des faux péronistes. Pourtant, les vrais sont bien meilleurs, et j'en ai une sélection pour vous. On commence... Il y a une expression, je disais ça à Yvon Pedneau, j'ai dit, comment tu... On va être comme une tache à marde. Ça, c'est un peu comme une mouche à marde, mais qui est un peu tache. Sinon, après avoir cherché midi à 14 heures, on peut... Parler de midi à 14 heures d'individus dans notre équipe. Donc, conseil, bien s'hydrater si vous parlez de midi à 14 heures. Une autre? Le monde est sur un high, là. Et au neuvième ciel, je sais pas si c'est une bonne expression. C'est un méchant aïe, en effet. C'est pas tout, hein. Si vous pensiez que j'en avais pas d'autres, vous dormez en couleur. Vous dormez en couleur. Et enfin, Jean Perron présente un différent son de cloche à l'expression « donner un autre son de cloche ». Puis il va falloir qu'on envoie des sons de cloche à qui que ce soit qui est en charge. Ben oui. À qui que ce soit. En tout cas, je vais suivre le dossier des prédateurs de Laval comme de l'eau de roche et on s'en reparle peut-être un jour. Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Vous n'allez pas nous mettre de la bonne musique, là, Olivier, cette semaine? C'est pas à vous? Effectivement. Mon Dieu, on a une chanson pour vous. On vous prend au dépourvu. Hein? On fait une émission de deux ans cette année, Olivier. Une pièce de Philippe B. de l'album Ornithologie la nuit. Philippe B. est en ce moment au FME, le Festival de musique émergente en Abitibi. Oui. Et c'est pour ça que je veux faire jouer cette pièce. Et aussi parce que Fred Lambert, qui a collaboré à cet album, est venu dans notre bureau vendredi passé. Il nous a fait goûter des chips aux brioches à la cannelle. Oui, et c'était très, très bon. Hein? C'était vraiment dégueulasse. Ah non, moi, j'ai vraiment aimé ça, moi. Pour vrai? Ah oui, vraiment. OK. C'est super bon. Bon, alors pour passer cet arrière-goût, on va écouter Philippe B., le calorifère. OK, merci. Tu dis que t'as peur du bonheur. Hey, vous savez, on se posait la question, en fait, on cherchait le nom du curé dans le temps d'une paix qui est mort la même année que Fardoche. Oui, voilà. Et je pense qu'on a la réponse. Hein? Oui, Pascal Bérubé, député péquiste, qui nous suit l'ancien ministre du tourisme. L'ancien ministre du tourisme. Vous savez qu'il était au salon d'Aomé hier, j'ai vu ça sur Facebook. Je vous dis comme ça. Il s'est géolocalisé aussi sur Plateau Mont-Royal hier. Ah, fait qu'il était là. Okay, il était là, alors on le salue. Yvon Dufour, le nom du curéma. Oui. Mais attention, on n'avait pas tout faux, parce que l'été... où Yvon Dufour est mort en même temps que Fardoche, il a été remplacé dans le temps d'une paix par Pierre Gobeil. Ah, voilà! Mais c'est ça qu'on sait! Et il n'y a pas d'hasard, parce qu'en plus, si ma mémoire est bonne, Yvon Dufour... Yvon? Non, Yvon Dufour. Oui. Yvon Dufour a longtemps fait les publicités des tranches singles de Kraft. Ben voyons donc! Notre recette d'hier! Ben oui. Anne-Marie, vous avez raté ça hier, parce que hier, c'était la recette de Jean-Sébastien. Il a fait son fameux spaghetti aux 24 tranches de fromage Kraft. Non. Et est-ce que vous êtes du genre à aimer ça? Là, je vous vois parce qu'on a fini notre entrevue. Non, j'ai dit non. Mais pourquoi non? J'ai dit... C'est du snobisme alimentaire. Non, c'était dégueulasse. C'est juste dégueulasse. C'est juste dégueulasse dire. Mais c'est comme dire j'ai fait mon fameux spaghetti au ketchup. Ouais. C'est dégueulasse. Il ne faut pas mélanger tout. Je pense que c'est dégueulasse. On parle d'un fromage, d'un jus de tomate. C'est vraiment. Mais ben voyons. Je peux pas. À quel moment on a cessé d'aimer le fromage et le jus de tomate dans notre société? Ben, c'est pas du fromage. C'est pas du fromage. Il y a 50% de ces tranches-là qui contiennent du fromage. C'est un blasphème. Vous savez qu'un test à l'aveugle, entre la tranche et l'emballage, je fais même pas ça. Mon père ouais. met des tranches de met des singles craft sur sa tarte aux pommes. Ah! Faites-vous mon ça? Dieu, que c'est non, mais ça m'intéresse de l'essayer pour vrai. Mais oui, mais vos maladies mentales, vous les réglez. Ou sur des chips aux brioches à la cannelle. Partout, partout. Mais c'est le courrier du cœur de Frédéric Savage. C'est le moment du courrier du cœur. Ouais, mais je t'annonce, c'est le moment où toutes les femmes du Québec envoient des courriels et des lettres à Frédéric Savard. Peu le font et je vous annonce qu'on se rendra pas à Noël, je pense, avec ce concept-là. Et probablement qu'on se rendra même pas à l'Halloween. Donc, on a Gilbert Trudel qui m'a écrit « J'aime beaucoup votre émission. Est-ce que vous pouvez demander à Fred Savard si c'est possible de vivre d'amour et de pâté chinois à la place d'amour et d'eau fraîche? » Vous savez, Fred, il nous reste à peu près 2 minutes avant la fin de l'émission. Oui. Alors, je vous dis, gardez cette question-là en mijotons-la dans notre tête pendant la semaine. Et cette dame aura une réponse juteuse la semaine prochaine. Malheureusement, vous aurez une réponse. Merci, Fred. Hey, ça, c'était du bel effort. Avant de se quitter, parce qu'il nous reste quelques minutes à l'émission, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez quelque chose pour nos invités de ce soir? Oui, beaucoup de questions pour Anne-Marie Wittenshaw. Une question qui nous vient de Paul Dextras, qui dit « Depuis le retour de votre congé de maternité, avez-vous l'impression que c'est maintenant vous qui allez être le maillon faible de C'est juste la TV? C'est une vraie question. Mais vraiment, en quoi la maternité affecte-t-elle mon jugement? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais c'est parce que je pense que... Est-ce que vous étiez là au moment? Non, mais c'est ça, vous étiez en congé de maternité, donc vous deviendriez, selon cette personne-là, la personne moins intéressante à l'émission. Mon Dieu, mais à comprendre. Les gens ont des temps libres. Non, mais à ça, je réponds non. Bon, Voilà. Un dernier courriel qui nous vient de Christian Rioux qui dit... Je sais pas, c'est juste écrit Christian Rioux. Et ça va comme suit. Est-ce que ça vous fendrait bien gros la face de franciser un peu vos prononciations de Twitter, Instagram et de Madonna? Non, ça me fendrait pas la face, mais en même temps, c'est comme quand je prononce, par exemple, Javier Bardem. Je ne dirai jamais Javier Bardem. Bravo. Et je ne dirai jamais Fajitas. Et je ne dirai jamais Jalapeno. Ah, ben voyons! Ça, c'est une bonne réponse. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, c'est la sonnerie qui nous annonce que c'est le moment de la blague du jour, Jean-Philippe. Alors, c'est dépêchez-vous, il nous reste très peu de temps. Oui, alors rapidement, alors c'est un homme qui roule à 200 km/h sur l'autoroute. Évidemment, le gendarme l'arrête. Alors, il dit, excusez-moi, monsieur, je pense que c'est un peu exagéré, 200 km/h. Il dit, excusez-moi, monsieur, vraiment, c'est force majeure. Ma belle-mère est en train de faire une indigestion aux concombres. Il dit, ah, vous allez chercher un médecin? Il dit, non, je m'en vais chercher d'autres concombres. C'est une blague française, je ne peux pas croire qu'on termine l'émission comme ça. Merci à nos invités de ce soir. On regarde à couteau tiré à Casa. Merci Marc-André. Merci. On finit dans le devoir et oui, nous on se revoit. Dans la presse surtout, oui. Ah mon Dieu, j'ai-tu le devoir? Oui. Bon, on lit quand même et le devoir pour Stéphane Maillard. 19h30, de Québec. Ah, encore? Il vous reste encore. Un épisode? D'accord. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Vous connaissez vos noms. Et on se revoit samedi prochain. Bye. Bye.